Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission qui vous attend. Mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous parler jeu. Et je suis accompagné de monsieur Andrew Castegan à la console. Salut Andrew! Bonjour monsieur Michaud! On est en forme! Tout plein, plein de café, plein de boissons énergétiques, tout. Et là, on va tout casser ça aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la chronique bière et jeux avec monsieur Éric Lajeunesse qui est avec nous en studio. Comment ça va, Éric? Ça va très bien. Il est pas sur le bon micro que je pensais. Ah, là, ça sonne mieux. Ah, es-tu le bon, là? Oui, oui. Ah oui, là, on s'entend. On s'entend très bien. Et là, Éric, cette semaine, tout de suite, là, je vais te poser la question. Qu'est-ce qu'on va boire cette semaine pour la chronique? On goûte la rousse de Mons, la désérable du grimoire. Et la punk rock du trou du diable. Oh oui, trois bières, mesdames et messieurs. Le trou du diable. Oui, quel micro-brasserie. Mais, on les aime beaucoup, puis on aime aussi le grimoire énormément. Donc, on va goûter ces trois bières-là en trois shots différents, mesdames et messieurs, tout au long de l'émission avec monsieur Lajeunesse. Aussi, aujourd'hui, vous allez entendre monsieur Pierre-Luc Pelletier à la chronique Sécurité informatique en début d'émission, qui va nous parler d'un petit rappel rapide, justement, sur la fin de Windows XP qui s'en vient le 8 avril. Soyez prêts, mesdames et messieurs, à changer votre système d'exploitation. Et aussi, il va nous parler de pirates qui se servent de tristes événements pour essayer d'arnaquer les gens. Et là, ici, on fait référence aux événements de Malaysia Airlines. Ça s'est passé depuis deux semaines déjà. Donc, on va parler de ces pirates qui profitent de ces situations avec M. Pelletier. Et on va également vous parler de nouvelles ludiques. Avec le fameux « Saviez-vous que? » Eh oui, qu'Andrew va nous amener tout à l'heure. Mais avant toute chose... C'est la première fois qu'Éric est là pour le... Ouais, effectivement. Tu vas pouvoir entendre ça. Un petit ajout aux nouvelles ludiques maintenant. Ben, ça a de piano? Non, mais le « Saviez-vous que? » Mais si t'es déçu de ta bière, Éric, on mettra du sad piano. Okay, selon les nouvelles, on aura peut-être une nouvelle triste qui va arriver. On aura besoin de sad piano. D'accord. Qui sait, on verra bien. Que t'aimes pas, mais que moi j'adore. Non, j'aime ça, sad piano, mais il faut avoir une vraie nouvelle triste. Okay, c'est pour ça. Donc, mais avant tout ça, mesdames et messieurs, on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour écouter toutes nos anciennes émissions, les podcasts et entrevues. Puis en plus, Andrew a fait quelques petits ajustements. Là, vous avez sur le site, en haut à droite, le petit signe pour le streaming de CJMD. Mais maintenant, il y a un lecteur directement sur le site. Et je pense qu'Andrew en a même. Mais en fait, c'est que vous avez le lecteur audio, vous pouvez l'écouter directement sur le site. Vous avez le logo de Windows Media Player et de VLC. Pour pouvoir l'écouter à partir de votre lecteur audio favori. Ici, je fais référence à VLC. Et vous avez aussi un troisième lien qui est pour aller sur la page TuneIn, si vous voulez l'écouter sur une autre page. Et voilà. Vous êtes tout équipé quand vous allez sur puissancemaximale.com. Donc, vous allez... Vous avez l'embarras du choix. C'est ça, juste à vous y rendre. Mais aussi, rendez-vous sur Facebook. On veut vous accueillir dans la communauté Facebook de Puissance Maximale. Surtout que là, ça va bouger, là, la page. Là. Aussitôt, on va élucider des mystères de programmation. Ouais, on prépare des petits trucs pour pour le site, là. En tout cas, on vous parle de nouvelles souvent, là. Ben, on va vous en parler encore plus grâce aux ajustements qui s'en viennent. Mais, allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale, vous allez nous trouver très facilement, appuyez sur le bouton J'aime, parce qu'entre autres, on vous aime, mesdames et messieurs. Mais aussi, grâce à ça, vous allez avoir plein de nouvelles rapides à propos des émissions. Meilleure façon de communiquer avec nous, d'ailleurs, c'est vous passer par la page Facebook de l'émission et vous envoyer un petit message privé. On va vous y répondre. Et Michael va vous répondre. Ouais, habituellement, c'est moi qui fais ça. Mais des fois, il y a Andrew. Ça dépend si les fautes d'orthographe comptent ou pas. Ah, ouais, souvent oui, donc c'est moi qui réponds. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était notre petit laïus du début. Mais avant de commencer l'émission, comme à notre habitude, on va y aller en musique, monsieur Castegan, et là, on va commencer. On va vous faire danser un peu, mesdames et messieurs, avec la Pistolera de Grimmskunk. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Señores, señoras y señoritas, y ricos, pobres y riquísimos, que sigan corriendo el corriente para venir a ver la última, la justiciera la más gruesa, la más vulgar, la más jugosa y la peligrosísima, mi cara, la más hermosa de toda Latinoamérica. Vulnérabilité sur contre-mesure égale risque. Cheval de Troie, Spybot, Malware, Firewall. Pour te retrouver là-dedans, il faut que tu écoutes la chronique Sécurité informatique. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps d'une autre chronique Sécurité informatique avec M. Pierre-Luc Pelletier. Comment ça va, Pierre-Luc? Ça va bien, toi, Michael? Ça va très bien. Écoute, là, on va parler d'un sujet d'actualité cette semaine. Entre autres, là, tu as deux sujets à nous proposer. On va parler de la fin, finalement, de Windows XP qui s'en vient rapidement. Et aussi, on va parler de hackers qui profitent de malheurs, finalement. Et on va parler du vol de Malaysia Airlines. Ouais, exactement. Donc, comment les hackers font pour profiter de ce genre de situation où tout le monde veut avoir de l'information. Donc, on va passer là-dessus en deuxième. Mais je voulais juste faire un petit rappel sur XP. Donc, il sera plus supporté à partir du 8 avril. Le 8 avril, c'est dans deux semaines, même moins de deux semaines. Donc, il faut vite passer à Windows 7, Windows 8. Donc, c'est un petit rappel pour vous. Sachant que c'est pas juste une menace théorique, hein. On sait très bien que le 9 avril ça va être en fait ça va être très difficile de garder le contrôle de son XP. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est menace règle générale sur du Windows 7, sur du Windows 8, toutes les failles qui sont trouvées, je dis toutes, en fait la majorité, ce sont des failles qui se retrouvent aussi sur XP. OK. Donc voilà, c'est certain qu'on on va en voir comme ça des failles apparaître sur Windows 7 et 8 et qui seront réutilisables. C'est ça, parce que là, ça sera plus supporté, plus une nouvelle mise à jour. Et ça, ça comprend aussi les antivirus sur le marché. Là, ça va plus suivre là, XP. Là. Ben, c'est-à-dire que dépendamment des éditeurs d'antivirus, il y en a qui vont continuer à les à supporter. C'est pas suffisant. C'est parce que un antivirus, ça va détecter qu'il y a un virus, mais toute nouvelle faille, tout nouveau virus va réussir à se propager si la faille est pas fermée. Donc, de toute façon, en fait, c'est un dernier recours l'antivirus de toute façon, puisque au départ, il faut que tous les, idéalement notre système d'exploitation soit sans faille. Donc, en fait, l'antivirus c'est comme payer un gardien de sécurité en fait pour garder les méchants dehors là. Sans avoir verrouillé la porte, ça sert pas à grand chose en fait. OK, voilà, donc rappelle-nous la date, Pierre-Luc. C'est le 8 avril prochain, donc dans deux semaines. Dans deux semaines, au lendemain des élections au Québec, mesdames et messieurs. Exactement. Soyez prêts, allez voter et aussi préparez votre ordinateur s'il est sur XP pour passer à la vitesse supérieure et ainsi protéger votre machine de failles et de certaines personnes mal intentionnées. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? On passe directement au deuxième sujet. On va passer au deuxième sujet. Donc, on devait parler du vol, donc la Malaysia Airlines, le MH370, qui est disparu là, dans des circonstances encore très floues. Là, on a appris hier là, que selon le gouvernement malaisien, l'avion se serait abîmé dans l'océan Indien, mais encore là, on n'a vraiment pas de détails. C'est les autorités qui nous disent ça, mais c'est pas confirmé à 100% non plus. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Mais là, il y a des gens qui profitent de ce genre de trucs-là. Ouais, mais justement, le côté flou du pourquoi de la disparition de ce vol-là, c'est facile pour les hackers d'en profiter, puisque les gens cherchent, ils veulent avoir des réponses. Ils attendent tous que tout le monde attend que qu'on trouve l'avion, hein. Donc ouais. On sache ce qui s'est passé. Donc tout le monde est à l'affût. Et le problème, c'est que eux vont avoir tendance à envoyer des faux liens vers des fausses nouvelles comme quoi ils l'auraient trouvé. Moi, j'ai vu ça carrément dans mon feed Facebook là. Moi aussi, j'en ai vu. Ouais. Donc c'est ça. En fait, c'est sans dire que c'est évident. Des fois, dans la hâte, on pourrait avoir tendance à cliquer et dire « Ah ouais, ils l'ont retrouvé », mais on clique sans trop regarder la source. Nécessairement, en fait, c'est des sites qui sont, qui ont du malware dessus. Donc, vous risquez de vous faire infecter par quoi que ce soit ou attaquer, en tout cas, par le malware qu'il y aurait sur ce site web-là. Est-ce que c'est le même genre de site, Pierre-Luc, qui, disons, je te parle, ça m'est arrivé la semaine passée, puis j'étais vraiment fâché. C'est parce que c'est des gens qui cliquent sur des liens comme cet ado s'est suicidé devant sa webcam, trucs genre une araignée géante ou regarder ce... Ouais, c'est le même procédé. C'est juste essayer de piquer la curiosité de la personne de n'importe quelle manière. Ça peut être des nouvelles, comme je disais, par rapport à la Malaysia Airlines, ou ça peut être toutes sortes de lignes choc comme ça, en espérant que qu'on clique dessus. Que les gens soient assez voyeurs pour aller voir ça. C'est ça. Puis souvent, en fait, quand les gens cliquent là-dessus, on leur propose un vidéo, mais là, on leur dit qu'il faut un codec vidéo, et là, ils sont obligés de le télécharger pour voir la vidéo. À ce moment-là, ils sont obligés de liker le vidéo aussi. Ces sites-là vont aller en plus s'afficher automatiquement sur le wall de la personne, sur le mur Facebook. Soit c'est automatique, soit ça prend un clic pour forcer le like. En fait, faut que vous likiez d'abord le vidéo. C'est ça. Donc, ça, c'est pour propager. C'est ça, pour propager la vidéo. Donc, ensuite, c'est ça, vous téléchargez le faux codec vidéo, puis ben, c'est fini. C'est un exécutable. Puis, si vous avez un antivirus pas à jour ou qu'il n'est pas détecté parce que c'est une nouvelle menace, ben, vous êtes fait avoir. Mais pourquoi ces personnes-là font ça? Pour attirer... on peut comprendre un peu le principe, des fois, justement, de la chasse aux clics. Pour avoir plus de clics sur son site, si on a de la publicité à vendre, mais j'imagine qu'il doit y avoir plus que ça, là, surtout dans le cas de la Malaysia Airlines, il doit y avoir d'autres raisons. Là. Ben, c'est-à-dire que eux, ben, dépendamment de leur approche qu'ils prennent, c'est sûr qu'ils peuvent avoir des buts lucratifs différents parce que c'est toujours une question d'argent finalement. Donc, si c'est juste pour avoir un malware sur la machine, ben, en fait, on veut prendre le contrôle de cette machine-là, soit on veut voir de l'information qu'il y a dessus, soit on va l'utiliser dans un botnet. Mais après, on peut être beaucoup plus direct que ça. Donc, par exemple, en fait, il y a eu des cas où, dans le cas du tsunami en 2004, le tsunami au Sri Lanka, là, il y a eu des cas, et en Haïti aussi d'ailleurs, en 2010, là, dans le cas du tremblement de terre qu'il y a eu. Là, c'est carrément des demandes de dons, des fausses demandes de dons. Oh, okay. Donc, les gens étaient invités à donner leur numéro de carte de crédit. Donc là, on est pas mal plus direct là dans le gain là. C'est ça, à ce moment-là, on va vraiment faire un détournement des dons là, puis c'est du cash flow qui rentre dans nos poches là. C'est ça. Donc au mieux, si vous décidez de donner 10$, ben la personne s'est fait 10$. Au pire, si vous décidez de donner 10$, ben la personne a carrément votre numéro de carte de crédit puis va s'acheter n'importe quoi. Donc ça peut être ça peut vite déraper. Sinon par rapport à Katrina par exemple en 2005 ou ce qui s'est passé au Japon aussi le tremblement de terre avec avec un autre tsunami. Ça aussi inspiré en guillemets les hackers à faire d'autres types de sites web infectés, des fausses nouvelles, exactement le même genre de choses. Sinon les gens pouvaient carrément rechercher sur Google et tomber sur des sites web infectés. Donc Google depuis fait très attention aux liens qui apparaissent comme ça. Donc il regarde d'abord si c'est légitime ou pas. Donc Google s'est amélioré là-dessus récemment. Et là, c'est sûr que il y a des choses à faire pour éviter ça. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Ben, à la fois compliqué et facile, là. Dans le sens où ce qui arrive sur notre Facebook, ben on le contrôle pas. Ça dépend des clics des autres, de nos amis, hein. C'est ça, quelqu'un qui s'est fait infecter, mais nécessairement, il va y avoir probablement la même nouvelle sur son wall à lui. Il faut regarder en fait sur quel site web. En fait, lorsqu'on met, si on est sur un ordinateur, on peut mettre notre curseur dessus sur le lien pour voir c'est quoi la destination finale. Donc, si c'est un domaine que vous connaissez pas ou que ça colle pas ou des fois souvent les domaines c'est juste n'importe quoi, là, c'est juste une série de lettres .com ou .net ou .n'importe quoi. Donc, sinon c'est ça, c'est très mauvais signe. Moi sur mon smartphone en tout cas, à chaque fois que je clique sur un lien sur Facebook, je pense que c'est pas tout le monde qui a ça par exemple. Quand je clique sur un lien sur Facebook, j'ai toujours un message d'erreur de dire Facebook dit que me dit que je sors de Facebook, est-ce que je suis certain, tout ça. C'est pas tous les téléphones qui ont ça, mais effectivement, il y a cette possibilité d'avoir ce message-là. Ouais, ça c'est un petit peu plus tannant que d'autres choses, là. Ouais. Ça permet quand même de voir sur quoi on clique, ça c'est déjà pas si mal. Ça vous donne le petit instant pour réfléchir à ce que vous êtes en train de faire aussi. C'est ça, mais en même temps, bon, c'est des fois trop de messages d'erreur, tout le message d'erreur, là. Ouais. Ça finit que c'est trop, puis on le regarde même plus, en fait. Parce que là, on peut recevoir d'autres choses au niveau pas obligatoirement sur Facebook, mais même par courriel, là, les fameux. Ouais, carrément par mail. Ça devient assez évident, recevoir une nouvelle par mail de quelqu'un qu'on connaît pas. Ben, des fois, c'est souvent quelqu'un qu'on connaît aussi. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus un peu plus difficile de faire la part des choses, mais en même temps, vous connaissez vos amis habituellement, vous savez comment les gens écrivent. Ouais, puis qui vous envoie des liens ou en anglais, tu sais, ça saute aux yeux. Puis pareil, bon, par SMS, des fois un numéro qu'on connaît pas. qui nous envoie ils ont trouvé l'avion de la Malaysia Airlines. Ça, c'est encore plus flagrant, par SMS. Ouais, cliquez pas sur les liens que vous recevez par SMS d'étrangers, c'est évident. Sinon, sur Twitter, pareil, on n'a pas le contrôle nécessairement sur ce que les autres vont publier. Mais c'est toujours en fait le problème avec Twitter, c'est que en théorie il faudrait faire bien attention sur tout ce qui est lien, les bit.ly, les petits liens, les raccourcisseurs de liens là. Ouais, c'est ça. Donc, en théorie il faudrait faire attention à ça. Il y a toujours moyen en fait d'avoir un service directement sur bit.ly pour savoir quelle est la destination réelle de ce lien-là. Mais, c'est beaucoup d'étapes de plus. Moi, je vous dirais plutôt de vous fier sur ce genre de truc. Soit vous regardez directement sur Google. Ah ouais, ils ont retrouvé l'avion, et là, vous faites une recherche. C'est plus évident, là, comme ça. C'est un peu comme n'importe quelle information qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est toujours le fun de faire... de lire une contrepartie ou de chercher un peu plus loin pour... Ouais, c'est ça. Essayer de trouver la même information, mais par un autre biais. Comme ça, vous êtes certain que vous ne faites pas avoir, comme ça. Puis de toute façon, dans le cas des dons, toujours mieux et toujours recommandé de passer directement par les sites reconnus, comme la Croix-Rouge, entre autres. Et ces organismes-là reconnus dans le monde, là, si vous voulez faire des dons pour en cas de catastrophes naturelles comme le tsunami de 2004, celui de 2011 au Japon et Katrina en Haïti 2010, passez donc par la Croix-Rouge au lieu de vous promener sur Internet. Vous savez que ces gens-là vont... qu'à la Croix-Rouge, dans ces organismes-là, c'est reconnu et ils vont faire suivre les dons. Ouais, puis faites une recherche sur Google pour trouver le bon site. Oui. Ou rentrez le bon site directement dans la barre d'adresse. Mais, n'utilisez pas des liens comme ça, qui disent qu'ils sont la Croix-Rouge, mais finalement, c'est peut-être pas ça. Des trucs d'hameçonnage avec des faux sites de la Croix-Rouge. C'est le même principe qu'avec les faux sites bancaires. Exactement, ça vient du phishing. C'est une forme de phishing aussi en même temps. Donc, encore une fois, Pierre-Luc, dans le cas de ces sites-là, et il faut toujours, et comme dans le reste de la sécurité informatique, qu'on parle de vigilance, vigilance et vigilance. Exactement, il faut toujours faire attention. Merci beaucoup, Pierre-Luc, de nous avoir parlé de ça. Donc, on vous rappelle justement là, sur la fin de Windows XP le 8 avril prochain, et on vous parlait également des sites Internet, justement, d'hameçonnage créés par les hackers dans le cas d'événements tragiques, comme pour le Malaysia Airlines et d'autres événements dont vous en nommez. Merci beaucoup, Pierre-Luc, de nous avoir parlé de tout ça. Pas de soucis. 96.9 Sous terre, sur la ligne orange, y a un géant qui dérange. C'est un pachyderme étrange. Quand il se lève, la terre tremble. Il porte sur son dos le poids de sa légende. De sa légende. Sous la terre station beau bien. Les gens font semblant de rien. Font comme s'ils ne voyaient pas qu'une épave s'est échouée là. Amarré au passé par ses lourdes tresses. Oh, quelle tristesse! Le grand Antonio Barikevitch, Barikevitch, fortissimo, comme 10 chevaux, star de Tokyo, ragazzi, no want my photo, give me some donuts! Terre, des années, on l'a vu à la télé, en des jours bien plus heureux, il excitait les curieux, en tirant des autobus avec ses cheveux, avec ses cheveux. Mais l'homme le plus fort sur terre a sombré dans la misère, le jour où sa petite fleur a brisé son trop grand cœur, en lui disant je te laisse, oh quelle douleur, pour un lutteur, le grand Antonio, Antonio Barikevitch. Barikevitch, fortissimo, comme 10 chevaux, star de Tokyo, ragazzi, no one, my photo, give me some dough. Une peine d'amour plus lourde encore que la somme de tous ses records, c'est beaucoup trop d'efforts. sa force monumentale n'est devenue au final qu'un souvenir de carte postale. Triste final, triste final. À la sortie d'une épicerie, c'est là qu'il a fini sa vie. À l'écart sur un petit banc pour pas déranger les guillemets. Personne pour se rendre compte qu'il était mort depuis longtemps. Bon petit géant. Pour le grand voyage, sans honneur et sans bagage, beau dommage, mais au salon, malgré la mort, il souleva la foule encore, 3000 personnes à bout de bras, une dernière fois. Oh, quel exploit! Pour atteindre la célébrité, trop souvent seul et méprisé, se fit cher payer. Salut à toi, Antonio, moitié clochard, moitié héros, à jamais plus grand que nature. C'est sûr, les légendes ont la vie dure. Dovidenia, le grand Antonio, Antonio Barikevich, Barikevich, fortissimo. Comme disent les chevaux stars de Tokyo, Agatino, on my photo, give me some dough. Le grand Antonio, Antonio Barikevich, Barikevich, fortissimo. Comme disent les chevaux stars de Tokyo, Agatino, on my photo, give me some dough. La la la la la la la la la la la la la la la la. Là, je joue aux jeux vidéo, mais me semble qu'il me manque quelque chose. Ouais, ça manque de bière dans ce show-là. C'est le moment de la chronique bière et jeux. Santé. Santé. Et oui, de retour à puissance maximale après Pierre-Luc Pelletier et sa chronique sécurité informatique. Donc, j'espère, mesdames et messieurs, que si vous avez un ordinateur Windows XP, que vous ferez ce qu'il faut d'ici le 8 avril pour le jeter et en acheter un autre comme des consommateurs que vous êtes. Ou, ben, appelez M. Castegan pour faire un upgrade complet de votre système. Il vous fera ça pas cher. Arrête, l'impôt va venir me chercher. Il va me dire que je travaille au noir. Mais sans farce, faites attention, mesdames et messieurs. Ne travaillez pas au noir. Ne travaillez pas au noir. Légal et faites vos déclarations d'impôts. Payez vos impôts, mais surtout, tenez vos ordinateurs à jour pour le 8 avril prochain. Et vous avez entendu aussi en musique, en revenant, Antonio de Mes Aïeux. Et maintenant, il est temps de parler bière avec Monsieur Éric Lajeunesse. Et on vous rappelle que cette chronique qui vous est présentée par nos amis du dépanneur Tout Près, qu'on aime beaucoup, que vous allez retrouver ce merveilleux dépanneur au 97 rue Wolf à Lévis. Encore une fois, des gens passionné, des gens crinqués. Éric a pu le constater lors de sa visite de cette semaine. Ouais. Ah non, France était vraiment en feu quand je suis débarqué là hier. Maryse ou France? Maryse, c'est vrai. Mais on salue les deux, en fait. Ah, c'est ça, France et Maryse. Et Maryse était vraiment en feu quand je suis arrivé là hier pour aller chercher les produits, là. C'est pour ça qu'on a trois produits d'ailleurs ce soir. Ouais, là, c'est ça. Mais en fait, c'est notre balance du mois passé. Un là. Peu, ouais, c'est ça. Puis elle voulait vraiment qu'on essaye des choses tripantes, là. Bon, on a des bons produits. Puis là, on va commencer par la Mons Abbé. Ben, en fait, une rousse d'abbaye. Ouais, de Belge Brasse. La Mons rousse. C'est nouveau. Il y avait une blanche, une blonde et une du Belge d'abeille. Puis là, c'est un nouveau produit, une rousse. Ça reste dans la plus peu tradition belge, là. Souvent, les gens vont se dire, ça goûte un peu à moufette, non? C'est souvent les bières belges, c'est un peu comme ça, là. C'est bon, par exemple, qui arrive avec une rousse, pour quelqu'un comme moi qui est pas vraiment un amateur de blanche ou de blonde, c'est léger, par exemple. C'est très, très, très léger. Oui. Puis, pourtant, beaucoup de rousse. Il n'y a pas une amertume prononcée, non, je te dis. Non, pas du tout, du fait que c'est vraiment de type belge. Là. On reconnaît vraiment la bière belge, mais avec des accents de rousse. C'est doux, c'est pas fort, là, c'est un petit 5.5. C'est un super bon produit. Là, pour avoir quand même goûté à toute la gamme de Mons, c'est vraiment super. Puis quand on regarde un peu l'historique de cette brasserie-là, c'est trippant, parce que le gars, c'est un Belge. Il est écœuré de vivre chez eux, puis il s'en vient ici avec ses connaissances, puis ses traditions de brasseur. Puis, fouille-moi pourquoi, il s'installe en Abitibi. Ben, c'est cool, les bisbis. Tu pourrais t'installer n'importe où, mais non, tu t'en vas au pays des thons et des moustiques géants, tu sais, c'est comme, mais bon. C'est cool, les bisbis. Chaque région. C'est quand que t'arrives, tu roules là-bas, là, puis c'est pas les chevreuils qui te font peur, c'est le moustique qui traverse les rues. Non, c'est le moustique qui est en train de tuer le chevreuil. C'est ça, tu sais, quand on win chez le casse parce que t'as frappé un thon, là. Ben écoute, c'est plein de préjugés, mais c'est un peu vrai. Donc, bon, ben maintenant, on va voir la Nanger. Nanger du miel. Nanger? Ouais. Et donc, miel des champs de l'Abitibi et de l'eau naturellement purifiée de l'esker d'Abitibi. OK, le genre voilà. Le miel des abeilles là, qui tue des thons. Voilà, c'est ça. Probablement. C'est ça. Tu vois, mais je goûte pas beaucoup le miel, mais je la trouve quand même sucrée. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est ça qui adoucit l'amertume de la bosse habituellement. Ouais, elle a une belle petite finale sucrée. Elle a quand même pas un gros collet, mais qu'elle garde. Les bulles sont ultra fines. De super belles couleurs. C'est un bon produit, ça. Rousse, mais qui tire un petit peu sur le brun même. C'est foncé, là. Oh, oui. Un petit cuivré. Ouais. Exact. Exact. Mais effectivement, ça se boit tout seul. C'est pas tannant du tout. Là, souvent, je commence tout le temps par les rousses. Donc, moi, je suis fan. Quand je vais m'acheter de la bière, d'acheter, tu sais, des caisses dégustation de plusieurs sortes. Oui. Mais moi, je commence toujours par les rousses. Parce que habituellement, c'est ce que j'aime le moins. Okay. Puis, quand ça fait genre 7-8 que tu prends, puis tu tombes dans les rousses, après, tu fais. T'as tendance à faire le saut. Ouais, j'avoue. Saut les blanches, tu sais, une blanche trop. Tirant sur la grume. Trop sur la grume, tu fais le saut aussi. Exact. Mais sans faire, celle-là, un petit goût pas. Tu sais. Ça tire un peu sur le sucré, mais... On peut dire les vraies affaires. C'est une bière qui descend bien, puis elle laisse une bonne présence, un bon goût dans la gueule. Absolument. Puis, je dirais... En passant, j'ai eu une inspiration de Vini, d'Alco Rock, des deux snows. Des petites affiches qui font le bon dans la gueule. On dit goulayant. Goulayant. Non, bon ouais. Dans la gueule. C'est ça, c'est correct. Provenant du mot goule, qui est un mot d'ancien français pour dire gueule, la bouche. Et voilà. Vous allez vous coucher moins niaiseux, les gars, à soir. T'es donc érudit. Non, bon d'ailleurs, ouais. Ça sonne meilleur. Ouais. Mais tu vois, comme rousse, là, j'aurais pas de misère à prendre ça sur une terrasse, là, au soleil. Là. Tout à fait. C'est pas lourd, c'est léger, vraiment. Comme si quelqu'un a des préjugés défavorables envers les rousses... Qu'il essaye celle-là, tout à fait. Oui, qu'il essaye celle-là. C'est un bon starter pour se mettre... Ouais, puis pas trop cochonne, pas trop vicieuse non plus. Non. Ben, c'est surtout qu'à... Pas ça passe son poil, là, mais... C'est surtout qu'à 5,5%, il n'y a pas de quoi à se faire couper les jambes, là. Non. Ben, quand je parlais de vicieuse en passant, j'ai comme réalisé après l'avoir dit, je parlais à la... Okay, toi, tu t'es rendu compte de ton double sens après? Ouais, exactement. Puis moi, il a ouvert la porte, je l'ai défoncé. Ouais, non, c'est ça, mais... Non, c'est ça, le fait qu'elle ait pas un arrière-goût trop fort, tout ça, t'sais, justement, ça serait une rousse, contrairement à bien d'autres, là, que je serais capable d'en prendre plus qu'une, non, t'sais? Oh, oui. Oui. Non, sans faire, une caisse se complète, ça se boirait très bien. Ça se détaille à combien, la bouteille? Sais-tu que c'est une excellente question? À ce temps qu'on est en partenaire avec la gang des dépanneurs tout près, on s'en va avec la marchandise, mais on oublie de demander le prix. Ben, écoute, on a sûrement une petite tonne à écouter maintenant. Bon, on vérifiera on ça tantôt. On fait des recherches pendant ce temps-là. Est tellement bien préparé. Mais là, messieurs, justement, là, on parle de bière rousse quand même pas trop tannante, là. On joue à quoi avec ça? Parce que, tu sais, pas tannant, qui se bat quand même assez bien. Peut-être un petit problème que ça se bat trop bien. Ouais. Tu sais, moi, dans les rousses, hein, je sais pas, hein, j'aurais eu une rousse, je sais pas, moi, tout ce qui est bière plus foncé, là, tu sais, n'importe quoi avec des épées, là, comme ça. Dynasty Warrior 8, Extreme Legend, Complete Edition, sa PS4. Warrior, lui. Ah, ben là, le nouveau est sorti cette semaine. Ah oui, c'est là, ça. Là, Monsieur Castegan s'est jeté là-dessus. Ah oui, pourquoi j'ai... Je l'ai eu avant que la date de sortie, là, tu sais, c'est quand même... On dira pas où. Ah, je suis bien prêt à le dire, moi. Ben... Non. J'ai averti le gérant qui était en parfaite illégalité de vendre de produits parce qu'il était pas sorti. Et lui, de me répondre, ben, tu veux l'acheter, je te le vends. Ben, c'est ça. Fait que voilà. Non, mais écoute. On s'en sait-tu rendu là? Ben, rendu là. Tu t'es averti. Non, mais c'est pas Andrew qui va avoir le problème, non, s'il y a de quoi. Mais non, Dynasty Warrior 8, d'ailleurs, j'imagine qu'Andrew, d'ici, disons, la semaine prochaine, on devrait être bon pour avoir une. Ben, à date, je peux dire que le story, il était cœurant. Bon. Mais j'ai pas encore essayé le mode dynastie. Mais là, tu irais, toi, avec une petite Mons Rousse comme ça, là. Oui, j'aurais quasiment le goût de faire un détour par dépanneur tout prêt en finissant l'émission, mais aller m'en chercher. T'as boire à ce point-là? Non, je pense que t'as gagné quelqu'un. Mais moi, un truc avec des épées, là, je suis retombé dans, je vais vous en parler tantôt, lors des nouvelles ludiques, je suis retombé dans Skyrim, moi, pour la xème fois depuis 2011. Okay. Ouais, moi aussi, il faudrait que j'en tombe dedans, là, il m'appelle. Puis sans farce, je consommerais ça pendant une petite game de 4 heures de Skyrim. Là. Surtout avec le mode que je t'ai montré, que je suis pas mal sûr c'est de lui que tu veux parler. Là. Non. Mais on en parlera de lui, je t'ai montré. On va parler d'un autre, mais on parlera du tien aussi. Mais moi, une petite game de Skyrim, ou même si, dans le contexte, ça se prête moins, mais tu sais, un Fallout, tu sais, quelque chose de costaud. Là. OK, tant que ça, ouais. Moi, j'avoue que... J'ai redécouvert dernièrement l'excellent Dungeons and Dragons Tower of Doom à l'arcade. Oh, ben oui, ben là, toi, tout ce qu'il faut chez bon, toi. Bon, là, Eric, on va parler des vraies affaires. Hein? C'est quand qu'on en revient chez toi? Ah, c'est pour ça ta chemise rouge depuis tantôt. Ah, c'est pour bien paraître devant Eric. Non, c'est pour parler des vraies affaires. Des vraies affaires. Un subtil c'est quoi ton lien avec les élections? Oui, OK. On parle pas d'élections ici, là, mais je sais pas. Je m'appelle pas Stephen Harper. La première page, Journal de Québec, non? Mais oui, là, tu veux t'inviter chez... Ben là, quand que la saison des barbecues va revenir, faudrait bien qu'on se le fasse. Le barbecue... Ouais, absolument. Oh oui. Le dernier coup qu'on en a parlé, l'hiver a pogné avant qu'on ait ouais, c'est ça, avec quelques grillades, ça se consommerait tout seul, encore une fois. À condition que tu me ramènes un pot de langue, parce qu'il n'y a pas fait de vieux os. Bon, ça, it's a deal, je peux même t'en emmener deux. Encore, voilà. Encore une fois. Quel homme heureux. Autre produit qui est très, très consommable avec cette bière-là, les trucs en saumure. Moi, tu sais, un pot de fromage salé, tartillon en saumure, là. Tu mets ça à côté de cette bière-là, puis. Saucisse hot dog mariné, tartillon, des œufs, des langues. Ça ah ouais, rien de trop. C'est côtelettes de porc fumé. Oui, calice. Bon, ben, c'est it's a deal. J'emmènerai de la viande ce soir-là. Mm-mm. Bon, ben, vous voyez, on est déjà prêt pour l'été, même si le printemps n'est pas encore arrivé. Mais sinon, il y a un autre jeu, moi, j'ai en tête. Ouais? Je jouerais à South Park de Stick of Truth. Ben, j'allais te le proposer, justement. On parlait d'épée, puis tout ça, là. Jeu qui se prend pas trop au sérieux. Je dis pas que la bière, elle se prend pas au sérieux, là, mais t'es, petit jeu léger, petite bière légère, bonne en gueule, le South Park, de l'humour de très mauvais goût, mais, bon en gueule aussi. Ah, tes liens sont de plus en plus mauvais, mon cher Andrew. Je commence à manquer de liens depuis le temps que je fais de la radio. Je pense que je vais être dû pour prendre ma retraite. Ou fais juste dire ce que t'as à dire puis fermer après. Ouais, j'ai toi un dictionnaire des synonymes. Ouais. Ah, ouais, c'est bon. Ben, tout le monde à Noël l'année prochaine. Tu sais qu'il y a un beau site qui s'appelle synonyme.com. Tu vas voir. Ah, j'ai trop de nouvelles ouvertes. Donc, mesdames et messieurs, on vous suit. Ben, toi, Eric, Dungeon and Dragon Tower of Doom. Ouais. Sur arcade. Ouais, si vous tombez là-dessus, ben sûrement que c'est disponible en émulateur. Ouais, puis si ça se trouve, t'as peut-être même une couple de sites web là, qui proposent des jeux d'origine justement qui sont plus licencés. Là. Parce que ça, à part en arcade, il y a une version console de ça. C'est une version. On pourra chercher ça pendant la prochaine tune aussi. Ouais, exact. Bon, donc bref, voilà, c'était écoute, on parle de la Mons Rousse d'Abbaye. Messieurs, votre note sur 100 sur 10? Ben, moi, vu que je préfère d'habitude les bières plus corsées, plus fortes que ça, je vais y aller avec un gros 7 quand même. Ah ouais? Parce que c'est léger, c'est doux, là. Tu sais, je préfère les bières. À mon goût personnel, un 7. Si objectivement, tu sais, grand public, je pourrais même dire un 8, 8,5. C'est super accessible comme produit. C'est très, très bon. Monsieur Castegan. Ben, moi, j'irais avec un 8. J'étais un gros amateur de rousse avant, mais j'en ai surconsommé. Fait que je me suis un peu lassé du goût un peu amer, justement, qu'Éric parle de la rousse. Et celle-là, elle me donne le goût, peut-être, de retourner vers cette sorte de bière que j'ai mis de côté. Mais souvent, quand on est jeune, quand on commence à déguster des bières, tu sais, à place des bières commerciales, les blondes, les lagers. Souvent, quand on est jeune, c'est la rousse qu'on va aller chercher en premier. Moi, c'est ça qui s'est passé avec la fameuse Rickard's Red, que ça aussi, j'ai consommé beaucoup trop. Ça, mais vraiment trop. Oui. c'est pas qu'elle est mauvaise, mais tu sais, dans le commercial, ça fait différent. Mais comme toi, Andrew, moi aussi, les rousses, j'étais tombé dedans vraiment trop. Puis j'ai, mais sans faire, c'est vrai, je suis du même avis que toi. Fait combien tu donnerais? Ben, je l'ai dit. Excuse-moi, je parle trop. 80%. Puis je vais me lancer 80% moi aussi. Pas un gros fan de rousses, mais j'ai un produit devant moi qui me donne envie d'en reconsommer. Oui. Sans faire, c'est donc pour les amateurs, là, la Mounts rousse d'Abbaye, disponible au dépanneur tout près. Oui, puis gênez-vous pas pour aller les voir et les encourager, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont l'air à penser qu'un dépanneur spécialisé en bière, c'est juste ce Rive-Nord qu'il y en a. Non, il y en a... Alors qu'on en a un beau, on en a un beau à Lévis. Oh oui. Il est solide. Oui, oui. Puis on a des beaux verres, en plus. Je me suis gâté à ma fête, j'en ai acheté un du Bill Bucket, genre un buck avec une médaille du Bill Bucket. Non, c'est... Barberie, en fait. Ils ont pas juste que des bières, ils ont tous les accessoires qu'il faut à côté pour bien la consommer. Puis ils ont un maudit beau comptoir à bonbons. Oui, ben, en fait, si vous allez sur la page Facebook, c'est leur bannière, puis à chaque fois que je le vois, je fais bière et sweet tarts. Hein? Ah oui. Ça va brouter à quelque part. Mais non, rendez-vous au dépanneur tout près, en face, allez les voir, ils sont super fines en plus, ils vont pouvoir vous conseiller autant de votre choix de bière que votre choix de bonbons, bien évidemment. Ils connaissent leurs produits. Ouais, bon, mais c'était un des trois produits qu'on va déguster ce soir. Le reste s'en vient un peu plus tard dans l'émission, et on va partir en pause musicale immédiatement. On va y aller avec un groupe, en fait, je vais vous en parler tout de suite. Un groupe qui s'appelle 12 Foot Ninja. On vous a fait entendre une toune il y a deux semaines, je pense, ou même la semaine passée. Je pense que c'était la semaine passée. Ah non, il y a deux semaines. Deux semaines, oui. Et groupe australien, je vous en ai déjà parlé rapidement. Mélange de musique métal avec des rythmes de reggae, de musique latine. On va vous envoyer une toune dans drette là. Mais il y a un groupe, ce groupe-là s'en vient en show à Québec. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? D'accord. Ah, que le roux est con. Ah oui, effectivement. Excusez, je ris parce que j'ai eu sa réaction. Ah, d'accord. Ah, donc, sacrement. Excuse-moi. Continue. Donc, le groupe va être en spectacle à l'Agité à Québec à la fin du mois de mai. Au début du mois de mai, excusez-moi, et les billets seront disponibles dès vendredi sur les internets. Vous allez fouiller ça un peu sur Facebook. Je vais regarder ça, je vais vous mettre le lien sur la page Facebook de Puissance Maximale pendant la chanson. Donc la chanson s'appelle Luna de 12 Foot Ninja. Vous envoyez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. In your eyes, I have beheld the mother. Your eyes, my own, have crossed the sea. A tide of thought of you for me to heaven. In that blessed place where your eyes gaze on me. Am I dreaming you? Or are you dreaming me? Could I be the fool, for you are all I say. Ooh. Ooh. Could I be the fool, for you are all I say. My temple. I have heard you whispering the signs. I know that I have held you here forever. We will always walk the desert seas entwined. vraiment heureux. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance petit, Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, c'est un Normand, mesdames et messieurs. Normand, je t'aime. Normand Lamour qui était un grand fan de Puissance Maximale. Il nous l'a prouvé encore une fois grâce à ses. Et il répond à Joey Secteur 51 sur les sphères Twitter. Puis Emmanuel aussi, d'ailleurs. Ouais. Très actif sur Twitter, Normand. Allez voir ça. Il sort des nouveaux vidéos où il sourit avec des peluches tous les jours. C'est un peu freak. Donc, mesdames et messieurs, après cette chanson de 12 Foot Ninja, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien pour l'achat de billets pour ce show-là qui s'en vient à l'acheter au début mai, sans farce, à ne pas manquer. J'ai vu des extraits sur Internet, c'est des malades ces gars-là. Puis vous voyez le genre de musique. Tu vas y être, Mike? Ah oui, je vais être là, c'est sûr et certain. Et toi aussi, d'ailleurs, M. Castellan. Oui, j'ai pas pris de temps que j'ai dit... Ah, ça va être un excellent... Mais tout l'album... Mais je sais pas, il sait pas, je pense qu'il n'a pas vraiment écouté la toune. Je t'enverrai ça, Eric, tu me diras ce que t'en penses. J'ai vraiment trouvé ça dole à la mort, ta toune. Tu l'as écouté? Ouais. La toune, ça brosse pas assez. Non, c'est ça. Trop bizarre dans une toune. Ben, ça dépend. Pourtant, il me semble que ce band-là, on en a déjà écouté quelques-unes, ça swingait plus que ça. Ouais, ouais, ça en est une plus tranquille, c'est par ça, exemple. Comme... Oui. Non, Coming for You, puis Mother Sky. Les deux grosses tunes de l'album sont ça brasse plus que ça. Mais c'est un groupe-là, j'ai vraiment hâte de le voir en show. Sinon, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait, il me semble, j'avais un truc. En tout cas, j'en reviendrai. On va passer aux nouvelles ludiques. On va commencer, en fait, par M. Castellan et sa chronique « Le saviez-vous? » « Le saviez-vous que l'armée, l'armée de l'air américaine a créé un super ordinateur appelé The Condor Cluster à partir de 1760 PlayStation 3. Ah ouais, 1763? Oui. Il y a des eBay Games qui ont fait de l'argent. Et ça consommerait 90% moins de courant qu'un super ordinateur comparable et ça coûte 10 fois moins cher. Ah, vous voyez? Vous savez à qui vendent vos vieilles consoles maintenant? À l'armée de l'air américaine. Ils disent pas dans la nouvelle où est-ce qu'ils ont pris ça, hein? Je vais te dire ça, je suis en train d'ouvrir la source en ce moment, à ce moment même. Mais ils peuvent rien faire avec parce qu'il est tout le temps mis à jour. Ah, mais je pense qu'ils servent juste du matériel. Ah, OK. Je pense pas qu'ils servent de l'OS du PlayStation. Parce qu'effectivement, ça pourrait être très très long. En fait, c'est un site qui s'appelle Gamasutra, qui est dans le fond un site qui parle de l'art et de l'économie en lien avec le jeu vidéo, qui a eu une entrevue avec monsieur Mark Barnall, qui est directeur du High Power Computer Company, qui est une affaire en lien avec eux autres. Là, ça a de l'air, là, j'ai pas... Ça, c'est du journalisme, ça? Pas pire. Non, mais le Gamasutra, c'est un magazine américain. Oh oui, ça, on le connaît. Mais tu sais, c'est juste parce que c'est comme pas écrit dans le bas ou quelque chose comme les autres. C'est vraiment dans l'article en lui-même. Fait que faudrait que je le lise au complet pour vous dire exactement qu'est-ce que ça mange en hiver, le High Power Computing Company. Là, fait que... Donc, voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez faire un gros Christie d'ordinateur, trouvez-vous... 1763 PlayStation 3. Et vous l'aurez, votre méga ordinateur, qui va vous coûter moins cher qu'un vrai. Et, 80... et moi, ce que je trouve très drôle, c'est qu'il y a une photo, justement, de ce dit ordinateur-là. Là. Ouais. Puis on voit qu'il y a une espèce de vieux monsieur avec un chandail en col roulé, avec un chapeau un peu écrasé, comme le chapeau blanc de Normand Damour, justement, en train de brancher un fil dans le plancher. Je trouve ça un peu contrastant, là, mais bon... Non, mais un col roulé, man, c'est essentiel pour les techniciens informatiques de ce genre-là. C'est de l'innovation. Ouais, ça coûte que je comprends pas la mentalité. Check Steve Jobs, ça. Col roulé, man. Hipster. Et mesdames et messieurs, autre nouvelle, en fait, ce sera pas vraiment une nouvelle. Je vais vous parler d'un mode de Skyrim que j'ai downloadé cette semaine pour parce mon jeu. Parce qu'on n'a pas fini d'en parler de Skyrim. Ben, on en finira jamais jusqu'au prochain Elder Scrolls. Et non, Elder Scrolls Online, je le considère pas comme le nouveau Elder Scrolls. On va arrêter ça tout de suite. Ça a l'air pas si mal du tout là comme MMO, mais je suis pas un grand fan de MMO. Donc, au niveau de Skyrim, c'est ça. J'ai vu passer ça. Je glandouillais sur Internet la semaine passée, je suis tombé sur une chronique, je pense que c'est sur IGN, et c'est les Weekly Top 5 Mods de Skyrim, c'est deux personnes qui review des mods comme ça, et il y a un mod qui s'appelle Become High King of Skyrim. On vous rappelle que le High King of Skyrim, théoriquement, dans le jeu, c'est le Stormcloak, là, je me rappelle pas de son Christi de prénom, mais donc l'instigateur de la guerre contre les impériaux. Et là, vous pouvez, grâce à ce mode, devenir le roi de Skyrim. Donc, un petit problème. Ça va. Et le, donc, ce que ça vous permet, en fait, ce que ça unlock une patente, voyons, vraiment une kyrielle d'options. Entre autres, une nouvelle ville qui est créée, en fait, à part de la map principale. Ils n'ont pas fait popper une ville sur la map. Vous allez proche de Solitude, il y a une porte dans une montagne, vous rentrez là, et vous arrivez dans la ville qui s'appelle High Reach. Et là, il y a un château, des baraques, des maisons, vous avez une auberge, vous avez un dragon emprisonné, une arène où vous pouvez avoir gladiateurs et créatures. Il y a une mine et une prison pour envoyer vos prisonniers politiques, si vous voulez. C'est vraiment une grosse, grosse ville avec beaucoup d'options. Et ça vous unlock la possibilité de rendre tous les NPC non essentiels. Ce qui amène un petit problème. Les NPC qui sont essentiels, souvent, ils sont pas tuables parce que si on les tue, ça peut faire des glitches. Des glitches et des bugs assez importants dans le jeu. Donc, moi, j'ai évité de faire ça. Moi, à place de les tuer, ben, je les envoie dans ma mine faire des travaux forcés. ce qui est une autre solution. Vous êtes roi, là. Puis, vous pouvez vraiment accrocher n'importe quel NPC sur la map et dire, toi, salue-moi, donne-moi tout ton cash, danse, et tu peux les exécuter sur place, vu que tu es le roi. Quand t'arrives dans ton... Quand t'arrives dans ton château, ben là, t'as accès à une robe style impérial, une couronne. Et bref, ça vous donne plein d'options comme ça. Si vous êtes rendu au bout de votre game, vous avez un gros perso, ça vous tente de vous la jouer power trip un peu. C'est un excellent moyen de le faire. Rapidement comme ça, Eric, il tousse tellement fort. Il est même plus dans le studio, puis on l'entend encore. Sinon, c'est ça, vous pouvez promouvoir des NPC du jeu à l'intérieur de votre conseil royal afin de leur donner des responsabilités qui, entre autres, qui peuvent vous permettre de monter une armée, qui peuvent vous donner accès à plein de potions à un même endroit, vous apprendre des skills, aussi collecter des taxes. Vous divorcez parce que le Heartfire, un des DLC, vous pouvez vous marier, mais là vous pouvez vous divorcer grâce à un des personnages que vous allez promouvoir et ainsi prendre une épouse royale. C'est vraiment, on est encore, ça offre plein d'options in-game intéressantes, mais aussi on est dans le jeu immersif, des trucs qui ont pas vraiment d'incidence, mais c'est juste pour justement là, donner une dimension supplémentaire au jeu. Vous pouvez upgrader vos personnages, avoir des bodyguards, une gang, des rangers même, qui vont faire de la patrouille sur la map pour vous. Donc, vous avez quand même beaucoup de trucs. Et ce que je trouve le plus intéressant dans le mode, ça vous donne la possibilité d'avoir une guerre contre les Talmer, donc les High Elves, parce que moi, ils me tapent ses nerfs. Moi, je fais tout le temps des Nords, puis tu sais, on est contre les impériaux. Puis là, on sait que les Talmer aiment pas les Nords, ils sont là pareil. C'est que ce qui arrive, c'est qu'il y a une ambassade dans ta ville. Tu peux aller voir l'ambassadeur Talmer dire, je te déclare la guerre. Et à ce moment-là, l'ambassade qu'on voit dans la quest principale, elle devient une War Embassy, et il y a des zones de guerre qui apparaissent sur la map. Donc, on peut lever notre armée puis aller les attaquer. C'est que ça, encore une fois, on peut prolonger ce côté-là de l'histoire que j'aimais bien, le côté des Stormcloaks contre l'Empire. Mais à ce moment-là, on peut le prolonger grâce à ce mode-là et cette option-là dans le mode. Donc, vous pouvez voir, ça amène quand même beaucoup de choses. Ce mode-là, je vous le conseille. À date, j'ai pas eu de bug majeur. Des fois, quand on arrive dans notre ville, on sort du château, il n'y a rien qui load à part le plancher. À ce moment-là, reloader avant de ressortir, ça va très bien se faire. Je vous le recommande, c'est vraiment le fun. J'ai pris ça avec mon Nord. C'est vraiment, mais vraiment intéressant. Ouais, mais moi, je vais être obligé de désinstaller mon Skyrim Skyrim Nexus et le réinstaller parce que j'ai trop de modes de buggy. C'est ingérable. C'est le problème des modes. Les gérer quand on arrive à une... Quand on vient patcher notre jeu... Là, les modes, il y a des modes qui sont plus compatibles, ou que là, il faut changer les versions. Moi aussi, j'ai eu plein de problèmes quand j'ai mis à niveau mon Skyrim. Mais tu m'avais sorti un petit outil ben le fun. Ouais, c'est juste parce que moi, il y a des modes qui existent plus. Ah, qui sont juste plus supportés à ce moment-là. Genre, quand t'arrives pour les désinstaller, Skyrim Nexus, il fait « je comprends pas ». Ah, ouais. C'est le fun, tout le truc des mods, mais c'est beaucoup, beaucoup de gestion si vous voulez vraiment vous... vraiment rentrer là-dedans à fond comme j'ai fait, comme Andrew a fait, il faut, c'est beaucoup beaucoup de gestion pour le tenir à jour, et voilà. Mais je vous le recommande, Become High King of Skyrim, vous pouvez trouver ça sur nexusmods.com/Skyrim. Vous tapez ça dans la barre de recherche, vous l'allez trouver assez facilement, puis vous allez voir, c'est un bon petit plus si ça vous tente de vous la péter dans Skyrim, bien évidemment. Peut-être que quelques nouvelles rapides avant de partir pour la pause de la première heure. Un mod à te parler. Ah oui, c'est vrai. C'est lequel que tu m'as envoyé? Beyond Skyrim. Oui, oui, oui, oui. Très intéressant. Je ne l'ai pas downloadé encore. Que j'ai le vidéo, d'ailleurs, que je vais poster à ce moment même. On avait déjà eu Falskar, qui est un mod qui nous amenait sur une autre partie de Skyrim, une île à part. Mais là, ce mod-là que tu m'as parlé, c'est un mod vraiment où on retourne ailleurs dans Cyrodiil. Mais en fait, c'est un mode assez ambitieux parce que dans le fond, le vidéo que je vais mettre sur YouTube, sur Facebook, c'est le trailer YouTube de l'aperçu, dans le fond, de l'équipe de modeurs. Il n'est pas sorti encore, c'est ça? Il sort en été 2014. Ah, c'est ça. Et dans le fond, ils vont l'appeler Beyond Skyrim, Cyrodiil, et ça va emmener la ville Bruma de Cyrodiil dans le jeu de Skyrim. Mais le projet, en fait, Beyond Skyrim au complet, c'est d'emmener toutes les provinces de Tamriel. Donc, que ça soit Oblivion, que ça soit Cyrodiil d'Oblivion, ça. Que ça soit Morrowind, que ça soit aussi Daggerfall, et ils veulent toutes les ramener, faire dans le fond la cartographie complète des provinces de Tamriel. Et chaque province va avoir ses propres NPC avec ses propres voice acting, ses propres quêtes, ses propres stories, ses propres events. C'est assez malade, ça. Ça va être, on va peser 2 tonnes à downloader, là, mais j'ai hâte de voir ça. Si justement, en 2014, ils veulent sortir Cyrodiil. La ville de Bruma, donc ça sera surveillé. Encore une fois, vous pouvez voir Skyrim, un jeu qui ne mourra jamais. Puis même Oblivion, son prédécesseur, il y a plein de monde qui continue à jouer à Oblivion aussi à cause des mods, donc continuez à surveiller ça toujours. On en revient là-dessus à l'occasion parce que quand il y a des bons mods comme ça, souvent on recommence à jouer à Skyrim puis on aime ça vous en parler. Monsieur Castegan, puisqu'on a parlé de Skyrim, on va partir en pause musicale parce que c'est déjà la fin de la première heure de Puissance Maximale, ça va tellement vite. En fait, ça va être une chanson assez courte. On va vous revenir. Mais là, c'est un appel. C'est un souhait. On est content que ça se passe, mais on aimerait ça que le vrai printemps soit accompagné de cette nouvelle-là. On va vous envoyer une petite toune légère de François Pérus qui s'appelle « Les journées rallongent ». Parce qu'elles rallongent, mais le soleil et la chaleur n'arrivent pas, eux. Donc, on vous envoie ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Les journées rallongent, yes! Chaque jour il fait un peu moins noir, un peu plus tard, fait qu'il fait un peu plus clair, un peu moins tôt. Ok. Se calme encore la lumière de Noël à tous les soirs, mériterait peut-être une petite tape sur le chapeau. Regarde mes belles lunettes. Les manteaux d'hiver se vendent au prix du désespoir, les bikinis sont à leur prix le plus haut. Ouh. Ouais, mes petits enfants, j'ai tellement hâte au printemps que j'ai des posters de mouches dans mon bureau. C'est tourné Grimbardo. Chaque jour nous mène au printemps. Il ne reste plus que 90 dodos, on est quasiment dedans. Sont déjà revenus quelques oiseaux. Ouais, mais pour moi, il était pas parti, il était jamais dans un sapin. Oh. Quelques secondes de plus par jour, chronomètre en main. Célébrons en foule, en soufflant dans des sifflets que se déroule l'arrivée prochaine de la saison de l'amour. Les journées rallongent, yes, madame, yes. Peut-être direz-vous que j'anticipe un peu, mais que c'est ça, voyons, non. Vous dites ça parce que j'ai déjà changé mes pneus, puis que je reste chez nous pour pas avoir d'accident. C'est nouvelle de garde. C'est pas parce que je préchauffe déjà mon barbecue, puis que je dégèle ma piscine au chalumeau. Légit, oui. J'allais driver des balles dans un banc de neige, mais l'attention dans mes chaussures de golf, y'avait des bas thermaux. Ah bah là, bah oui. Quand il fait clair plus tard, c'est excitant. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est excitant. Quand le jour dure plus longtemps, le soir dure moins longtemps. Que ça finisse, hein? Quelques secondes de plus par jour, chronomètre en main. Célébrons en foule, en soufflant dans des flex se déroule l'arrivée prochaine de la saison de l'amour. Les journées rallongent, yes. En direct de Gatineau, ici Ramis pour Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après les journées rallonges de François Pérusse. Et dans vos oreilles, c'est la deuxième heure de Puissance Maximale. Ouais! Oh yes! Et on va parler de nouvelles ludiques pendant que Monsieur La Jeunesse nous prépare notre deuxième bière à déguster. J'ai de la misère à soir. Tu déballes trop d'alcool déjà. Un demi-verre de bière. Ouais, c'est ça quand même. Non, t'sais. C'est ça. Là, non, mais t'es rendu faible, là, Mick. T'as vieilli. Non, c'est ça. Éric est en train de préparer la désirable de... La vie de château qui s'en vient. Du Grimoire. La vie de château, ça m'est resté trop dans la tête comme étant une excellente bière. Donc, il nous prépare ça tranquillement. Les larmes de chérubin, c'est. Ouais. Et du côté des nouvelles ludiques, M. Castegan. Oui, une nouvelle que j'avais postée sur les internets cette semaine. La PlayStation 4 pourrait bientôt être rétro-compatible avec les jeux PlayStation et PlayStation 2. Ben oui, j'ai vu passer ça, mais là, la question est-ce que c'est physiquement? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, c'est une bonne, mais en même temps, je fais Sony petit sacripant. Parce que quand, justement, on les a challengés lors du E3, je sais pas si tu te rappelles, quand on leur a demandé, pis, la rétro-compatibilité sur votre console, ah, mais là, on peut pas, là, c'est une limitation matérielle, là, c'est une infrastructure des choses. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Ben, c'est une rumeur, là, ça n'a pas été confirmé. Ben, c'est en fait un monsieur du nom de Hacham Rashid qui a postulé ça sur les internets, sur son Twitter. Et qui est monsieur Hacham Rashid? Ben, en fait, c'est un Twitter qui est très proche, dans le fond, de certains employés de Sony. Et à date, dans toutes les rumeurs qu'il a postées, il y a eu une carte sans faute sur tout ce qu'il a écrit. Okay. Sur ses prévisions. Produit. Hein. Et le tweet qui avait posté, c'était Be excited, local PS2, PS1 support on PS4 with native 1080p rendering for selected titles. Donc, tu prends ton jeu PlayStation 1 ou PlayStation 2, puis là, il y a un rendering en 1080p virtuel, vous allez dire, oh, là, mais oui. Quand même. Et. Ben, il y a des jeux de Super NES et de NES qui sortent mieux sur une TV HD qu'il y a des jeux de PlayStation 1. Ouais. Et qu'est-ce qui manque sur la PlayStation 4 actuellement? Un bon soft de Media Player, comme qu'est-ce qu'on avait avec le PlayStation 3 pour partager du contenu de son PC? Blu-ray and Media Player Update. Ah ouais. Yup. Ah, mais enfin, c'est plate qu'ils n'aillent pas annoncer ça à la sortie. Mais encore, tu sais, quand les constructeurs vous disent ah, limitation matérielle. Vous avez toujours le droit de dire « Ouais, ma semble. » Et dans le fond, shit. Non, c'est ça. Le gars en question, il aurait obtenu ces informations-là lors du GDC, donc le Game Developer Conference. Donc, ça se tient. On va continuer à surveiller ça, surtout pour ceux qui disaient « J'étais obligé de me racheter mes jeux en Virtual Console ou un truc du genre. » Peut-être pas. Surveillez ça, mesdames et messieurs. Autre nouvelle, M. Castegan? Ben, autre nouvelle qui a fait... beaucoup réagir sur les internets. On va parler de Facebook qui a racheté Oculus VR, donc la compagnie en arrière de l'Oculus Rift, pour 2 milliards de dollars pour l'achat. Moi, ça me fait capoter qu'ils aient payé aussi cher. Il explique-tu pourquoi ils ont payé ce prix-là? Moi, ça en face, c'est ça qui me... Je trouve ça plate qu'ils aient racheté ça. Mais je comprends pas pourquoi il a payé 2 milliards. Marc, moi, je connais un gars chez Oculus VR qui doit faire « Yeah, baby! Hey, » Lui, mais hein, il est-tu mort de rire, tu penses? Hey, 2 milliards. Avec un truc. Puis en plus, sûrement que ça en parle dans la nouvelle, mais là, ça a été starté, entre autres, grâce à Kickstarter, ce truc-là. Oui, qui avait ramassé 2,4 millions de dollars en 2012. Puis moi, j'ai vu des choses sur Internet disant qu'il y a bien du monde qui veulent se faire rembourser leur Kickstarter. Là. Ben, j'avoue que c'est un peu... « Allez, gars, aidez-moi à starter mon projet! » Ouais. Puis le projet est même pas sorti encore. Mais remarque, toujours la question de savoir si les gens qui ont payé leur Kickstarter auront ce qui leur a été promis, malgré le fait que ça a été envoyé à Facebook. L'entente, le contrat est respecté, ils n'ont rien à dire. Ouais, mais tu sais, dans le domaine du droit corporate... Américain. Surtout quand tu t'appelles Facebook, ça se peut que tu dises à Kickstarter, go fuck yourself. Ça se peut. Mais je sais pas, s'il y a des détails là-dessus, si le... En fait, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que Zuckerberg souhaite désormais se tourner vers l'avenir, parce que dans le fond, Facebook, ça stagne. Fait qu'il prévoit se tourner vers l'avenir, qui est, dans le fond, la réalité virtuelle. Il tient à assurer les usagers que l'achat ne change rien au but de l'Oculus Rift, qui est le gaming avant tout, le but pourquoi il a été créé, pour l'instant. Nuance, il y a le pour l'instant à la fin. Ben, il va le faire pour le gaming, il va garder le concept, puis il va le développer pour autre chose. Puis, dans le fond, il a fait l'achat parce qu'en fait, il trouve que c'est un projet qui est très prometteur, mais qui avance pas assez vite. Donc, avec l'achat... Ben, 2 milliards, avec il faut que tu sois motivé. Avec l'achat de ça, ben, il prévoit bien pousser les choses. Moi, quand je check mon salaire annuel, là, je suis du pocket check. Hey, 2 milliards pour une paire de lunettes, de sacré. Et bien sûr, pour la petite plug Facebook, ben, il dit, étant racheté par Facebook, ceci va permettre de dynamiser le carnet d'adresses des créateurs du Rift et convaincre encore plus de développeurs. Dynamiser, toi. Ah ouais, ouais. Ben, parlant de convaincre des développeurs, moi, j'en connais un qui n'a pas été du tout convaincu par cette transaction-là. Et c'est le monsieur de Mojang. Oui, le monsieur Notch. Quand on parle de Mojang, on vous rappelle qu'on vous parle de, entre autres, et principalement de Minecraft, qui était en préparation pour embarquer dans l'aventure Oculus Rift. Et là, quand il y a eu cette transaction-là, ben, Notch a fait non. Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a une citation de tout ça? Nous étions en discussion pour éventuellement porter Minecraft sur Oculus. Je viens de tout annuler. Facebook me fait flipper. Et voilà. On parlait avec Manuel. Et après ça, il a écrit en dessous. Je veux vraiment faire partie du projet Oculus Rift, mais je ne travaillerai pas avec Facebook. Leurs motivations sont trop floues et changeantes et ils n'ont historiquement jamais été une plateforme stable. Il n'y a rien dans leur histoire qui me donne confiance en eux et c'est ce qui les rend effrayants à mes yeux. La réalité virtuelle est utile pour le social, mais je ne veux pas travailler avec cette dimension sociale. Je veux travailler avec des jeux. En plus, on a vu une nouvelle passer la semaine passée que Facebook travaille sur un système de reconnaissance faciale. Puis ça amène beaucoup encore une fois de doutes au niveau de la sécurité puis de la, tu sais, de garder le respect de la vie privée. Et là, avec on rentre vraiment, écoute, on parlait tantôt là pour ceux qui sont juste arrivés pour Puissance Maximale, mais là moi puis Andrew, on a participé au show du retour à CJMD à secteur 51 avec Manu, et là on a parlé entre autres de Facebook, et là Manu nous disait, tu sais, Google, il dit, moi je traite pas beaucoup là-dessus, dans le sens où grosse entreprise qui joue avec nos données, tu sais, comme on dit, il faut pas tomber dans le complot, mais c'est quand même, puis on en parle avec Pierre-Luc fréquemment, c'est quand même un peu effrayant, faut faire attention à nos données. Là, on voit des trucs comme ça. Encore une fois, on a le droit de se poser des questions, soyez donc prudents, on vous le rappelle sur Facebook, et avec ce genre de trucs qui s'en vient, la réalité virtuelle dans le niveau social... Tu sais, des fois, on dit... Ben moi, j'arrête pas de dire que Facebook, c'est merveilleux quand on veut parler à nos amis qu'on voit pas assez souvent. Garder le contact. La promo qu'on fait, entre autres, pour l'émission, on sert beaucoup de Facebook. Mais il y a beaucoup de niaiseries aussi sur Facebook. Mais il y a des choses dangereuses aussi qu'on peut rencontrer. Donc, comme on dit, c'est un bel outil. Continuons à s'en servir de façon responsable. Voilà. Donc, ce sera à voir aussi avec le développement de cet outil-là qui s'en vient chez Facebook. 2 milliards, je capote encore. J'y reviens, là. Il faut que je trouve, il faut que je fasse une recherche des justifications pourquoi ils ont payé ça 2 milliards. En tout cas. Donc, voilà. Monsieur Kestegan, autre nouvelle, à moins que tu aies des compléments d'informations là-dessus. Ben, des compléments d'informations. En fait, il y a une campagne Kickstarter qui offre le rachat, dans le fond, de Oculus Rift à Kickstarter. Pas Kickstarter, je vous ai à Facebook. Sérieusement, les gars, ben, pas les gars, aussi vous à la maison. Je partage le lien de la campagne parce que c'est vraiment n'importe quoi. Dans le fond, c'est camouflé sur un genre de faux projet d'un jeu de fraction avec des grenouilles. Et quand on descend plus bas dans l'actualité, on voit une espèce de jeu vraiment lettre. Et quand on descend encore plus bas, on voit justement des photos de vraies personnes où ils disent « Ah, vous allez pouvoir jouer des races et des cossins de même. » Et après ça, on a le stretch du goal, le moto de l'argent qu'ils peuvent ramasser. Et à 2 billions de dollars, il est écrit « Buy Oculus back from Facebook. » Bon, ben, à cette heure, ceux qui sont si outrés, ben, lancez-vous là-dedans. Voilà. Peut-être. Parce que sérieusement, c'est vraiment n'importe quoi. Oh, oui, c'est n'importe quoi. Tu iras jeter un coup d'œil, là, tu vas voir, c'est de toute beauté. D'accord. Donc, sinon, autre nouvelle, M. Castagan? Ben, je serais dû pour un peu d'émotion, parce qu'il va falloir noyer notre peine. Ça tombe bien, on a de la bière devant nous, donc je pense que c'est un cas de sad piano. Que se passe-t-il, Andrew? Ben, imagine-toi donc. Il y a un projet de simulateur d'ours. Non, c'est pas... Oui, c'est un peu désolant, mais sinon... Non, en fait, Sony licencie dans 3 de ses studios. Ouch! En fait, la nouvelle est tombée sur le site de nos confrères, qu'on connaît très bien d'ailleurs, Video Gamer. Nos collègues de tous les jours. De tous les jours. Sony vient de procéder à des licenciements dans 3 de ses studios au Royaume-Uni. Malheureusement, dans le fond, c'est les studios Evolution Studios, qui sont le studio en arrière du jeu Drive Club. Guerrilla Cambridge, qui est celui en arrière de Killzone Mercenaries. Et Sony Computer Entertainment London. Donc, le nombre de postes concernés n'a pas encore été dévoilé, mais Sony, en revanche, a tenu à préciser que le développement de Drive Club ne serait pas affecté par cette information. Un moindre mal pour ce titre qui n'en finit plus d'être repoussé. C'est une nouvelle, c'est toujours plate d'entendre qu'il y a des gens de l'industrie, en fait des gens en général, des gens de l'industrie perdent leur emploi. On leur souhaite évidemment la meilleure des chances, mais c'est en effet une nouvelle assez triste. Mais sinon j'en ai une autre. Une autre triste? Oui, il y avait, ouais. Oui, il y avait un projet de remake du titre originel de la série Alone in the Dark. Ah ouais. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait eu un reboot de la série, ma foi, très mauvais. Ouais, ouais. Qui avait été fait sur Xbox 360. Et il y avait eu un projet de refaire le Alone in the Dark 1 sur les consoles PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Malheureusement, suite à l'accueil mitigé des derniers jeux Alone in the Dark, le studio Atari a choisi tout simplement d'annuler le projet. Ben écoute, c'est peut-être un mal pour un bien. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Non, c'est ça. Je veux dire, tu fais des mauvais jeux, essaye-toi pas d'en faire un autre. Remarque, je dis toujours laisser la chance au coureur, mais bon. Quand t'as déjà fait pas mal d'erreurs, comprends dans le message. Ben, je pense que Atari l'a compris. Et mesdames et messieurs, ça a été long, mais ils l'ont compris. Mesdames et messieurs, après ce sad piano qui est fini d'une façon plutôt abrupte. Abrupte, comme les amants. J'ai fait un fondu, c'est juste comme d'habitude, on l'entend plus fort qu'à la radio. Ah, d'accord. Donc, après cette fin de sad piano, mesdames et messieurs, on va partir en pause musicale. Et pas avec n'importe qui, mesdames et messieurs, avec le troubadour lui-même, Mononcle Serge, dans vos oreilles, avec sa... Son excellente chanson. Toutes les chansons que je passe ici sont excellentes. Mais là, on va dire son irrévérencieuse chanson Saskatchewan dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Pogne une panne en Saskatchewan, t'appelles la remorqueuse, pis tu t'en vas aux danseuses, toi. T'es ton pas dans Corée, porte ta vanne, pis après tu t'appelles, t'en parles pas à ta femme. Le soir, tu lui dis, bonsoir, chérie, en pensant à tous ces mots, pis tout du que t'as vu aujourd'hui. En Saskatchewan, code régional 306, en Saskatchewan, y'a le musée de la police, il y a des Duncan, il y a des Tim Horton, dans les clubs vidéo, y'a des Johnny Champion. Y'a pas de show de Joran, ni de show de la chicane, mais y'a Stéphane Bureau, chaque soir à la radio. Oh, Saskatchewan, tu vas au Chorcel. Quand le téléphone sonne, j'espère que c'est toi qui m'appelle. Quand je vais à Torval, vois les avions qui s'en allent. J'aurais que moi aussi, je pars pour les prairies. Alright, alright. Yes, sir. Yes, sir. Oui, papa. Oui, papa. Hi-ho. Hi-ho. Oh, Saskatchewan, y'a pas de français tellement. Oh, Saskatchewan, il y a même plus d'Allemands. Il faut Heil von Schnell, Frankenstein, Kornitzkuhl, ich werde rein, von Schweigen, der Hagen, da sie reinschneiden, bitte sein, Franken sein, den Rafflein, von der Bleichen, Feigen, Hunde, von der Bleichen, Heil und Heil, von der Spiel, der Trocken, von der Dein, ich bin das Gatschwan! Ein Tracken, Trocken, Lieben, Trocken, Lieder, Richtung, Bein, der Aufklärung, jetzt die Bildung, ihr Tag, der Ferner, wenn wir Bier, und doch der Versicherung, wenn den großen Denk, ich bin in hier. Du zum Mond, all meine Fieber, des Bein, in Sotos, Berg, aber noch, aus Gatschwan, aus Gatschwan, il y a beaucoup de potas, aus Gatschwan, il y a surtout des pétas, un jour arrive, chinois, j'en avais spoté une, et tenant pas compte, tu fais telle et telle. sauvé, je n'ai pas pu fourrer. Hey! Et 5 minutes après, j'ai vu se pointer un moustachu. C'était le père de la petite ingénue. Autour de son cou, il avait une cravate. Il avait un bat de baseball dans sa main droite. Que devenais-tu? J'ai connu Arégino. Saskatchewan, tu m'en sors de celle. Quand le téléphone sonne, j'espère que c'est toi qui m'appelle. Quand je vois à ta femme, moi les avions qui s'en vont, j'arrive que moi aussi je prends pour les prairies. Quand je vois à ta femme, moi les avions qui s'en vont, j'arrive que moi aussi je prends pour les prairies. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Saskatchewan de Malong-Serge, on parlait tantôt de l'Abitibi. Eh bien, Madame Folle de Rouyn-Noranda vient de nous rendre visite. Et maintenant, il est temps de parler de la deuxième bière qui nous a été fournie par nos amis du dépanneur tout près, je le rappelle, au 97 rue Wolf à Lévis. Et là, on parle d'une bière, mes amis, des plus... En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, de la microbrasserie Le Grimoire. On va parler de la bière désirable avec Eric. Encore une fois, Eric. Question comme ça, Eric. Oui. Les photos, y en a-tu là-dedans que c'est toi qui les as pris? Pas cette semaine. Non? Non. OK, c'est juste à donner que t'as pogné des photos de bière en avant de... D'un plywood. Non, mais Andrew fait référence à nos fiches, parce que monsieur Eric nous fait des fiches signalétiques, on va dire ça comme ça, là, des mais non, bières... Non, attends. On va éclaircir quelque chose, là. Vas-y donc. Pourquoi? C'est-tu parce que je suis synonyme de plywood, est-ce-tu? Mais non, mais t'as plein de projets, t'es un bricoleur. OK, c'est beau. Non, je voulais juste être... Bref, oui. C'était quoi cette allusion de marde, là? Mais non, mais t'aurais pu prendre ça dans le sous-sol, puis ça donne que t'avais une plante de plywood, là. C'est pas un plywood, on voit très bien que c'est un comptoir laid, puis un panneau d'armoire en imitation de bois. Tu vois bien, Andrew. Ben justement, parce que je suis pas bricoleur. Merci, Eric, de m'avoir... Mais après cette parenthèse, ma foi, très inutile, la part oui, d'Andrew. Oui, tout à fait. On va commencer... On va parler d'un autre jeu, si tu veux. On va rentrer dans le vif du sujet avec la désirable de la microbrasserie Le Grimoire. Éric. Alors, vas-y donc. Qu'est-ce qu'on raconte sur la désirable? Écoute. Ça sent l'érable. Ouais, ça, par exemple, ça, enfin, un produit. C'est pour ça que j'aime Le Grimoire. Qu'ils nous disent bière avec arôme de. On le goûte. Ça goûte ça. Exact. Et ça sent. Je l'ai goûté, moi, là, en bouteille. Je l'ai goûté en fût lors d'un festibière. Et en fût, elle goûte pas mal plus. L'érable, je vous dirais. Oui, je m'en rappelle. Ouais, mais même, ça fait plus peur en fût. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai été, ils ont fait « Bon, mais t'en bois pas 25. » Mais même en bouteille, quand même, là. Ben moi, tu sais... Pas sa ballonne là-dessus, là. Non, c'est pas l'idéal, ça, c'est sûr et certain. Mais moi, les trucs sucrés, ça m'arrête pas. Ouais. Il n'y a pas grand chose qui t'arrête. Ouais, il y a ça. Okay. À part un sumo. Puis encore, quand je suis bien motivé, il y a de la viande après ça. Hein? Sumo bien dans le soir. Là. Non, c'est ça. Là. Tu sais, quand t'arrives pour le tasser, tu glisses dessus. Ben, c'est ça, c'est pour ça. Mais. Huilé, là. Mais. Salé. Mais, donc, on parle d'une bière, ma foi, ambrée, même. Comme. Ouais, même orangée, on va le dire. À la regarder vite, là. On voit, il y a de l'érable. Si tu le sais pas. Tu peux penser que c'est une vie de château. Moi. Parce que ça y ressemble beaucoup. Ça sent pas ça, par exemple. Non, la bulle est aussi fine, la mousse est aussi mince. Ouais. Mais. Calique, c'est bon. Ouais, sans farce encore. Ça sent pas le sirop habitant. Ça goûte pas le sirop habitant non plus. Ça goûte pas le Buckley. Ça goûte pas le sirop de poteau. Là. Non. Ça goûte le vrai sirop d'érable. Mais en n'étant pas trop sucré, tant qu'à moi, là. Moi, je trouve même que la vie de château est plus sucrée que ça. Ouais, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Mais pour le fût, j'ai pas goûté la vie de château en fût, par exemple. Je pourrais pas te dire. Se fais-tu en fût? Bon, oui. Sûrement. Tu te présentes au grimoire. Si tu vas là-bas, c'est sûr que la serre va une tasse. Salut, monsieur, mets-moi ça dans un verre. Je te garantis qu'ils ont ça en tape. C'est le grimoire qui fait la vie de château? Oui. Ils font tout, man. Tout. Tout? Tout. Même ta mère? Presque. Mais oui, on nous dit, tu nous dis dans ta fiche, consommer avec modération. Moi, sans farce, tu veux pas partir. Disons, ça dérape avec ça. Mais moi, je partirais là-dessus sans le vouloir, là. Moi, je l'aime beaucoup, cette bière-là. Comme tu dis, elle est pas si lourde, parce que des fois, tu sais, les bières sucrées, ça, moi, elle me tombe pas sur le cœur. Non. Ben, c'est plus facile à boire, maintenant. Ça serait plus facile de déraper là-dessus que sur la vie de château, ça, je te l'accorde. Mm-hmm. Puis là, je t'écoute, puis je réalise, effectivement. t'es un buveur de cidre. Ouais. C'est sucré. Puis tu dérapes sur le cidre. Fait que t'auras pas de misère à prendre tout là-dessus. Pas du là. Tout. Mais en fait, c'est ça. C'est pas genre, à soir, je pars avec une caisse de 12 de ça. C'est, j'en ai à maison, j'en bois. Puis je vais dire, hein, ça fait 6 que je bois. C'est ça. Ça se boit tout seul. Quand même traite, parce que c'est 7%. Ouais, c'est ça. Puis on parle de, c'est des 500 ml aussi. Fait que tu sais, c'est un petit peu plus gros que c'est, une bière. C'est du 7% qui rentre assez vite quand oui, même. Oui, c'est ça. C'est sans farce, c'est une bière que j'aime beaucoup, justement, parce que ça se boit bien, c'est pas trop sucré, mais le goût est là pareil. Tu sais, des fois, on nous dit, ah, bière à l'agrume, mais ça goûte juste le sucre qu'on disait. Là. Ouais. Mais là, on a vraiment... Ça goûte le sirop d'érable. Ouais, c'est ça, on a l'arôme du sirop d'érable, ouais. Ça goûte le sirop, ça fait pas juste goûter du sucré. Puis, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, mais il y a plein d'autres produits qui à l'érable, blablabla. Puis c'est vrai, mais personnellement, je m'en fous. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est le grimoire, puis ça arrête là. Oh oui, mais moi aussi, j'en ai goûté d'autres à l'érable, mais ça, c'est... Moi, le grimoire, il fait partie de mes 3 brasseurs préférés. Là. Ouais. Fait que c'était comme naturel d'aller choisir ça. Puis ça tombe bien, l'autre brasseur qui est dans notre top 3, ce que je pense, l'autre bouteille est sur la table, on va la boire tantôt. C'est en plein ça, hein? Exact. Moi, top 2. Ouais, c'est... Je parle de Trou du Diable. Trou du Diable, mais pour le Grimoire, s'en fasse encore une fois une bonne... Je sais pas, on avait parlé de la vie de château, c'est une bière. Quand vous la trouvez, achetez-en. Parce okay. que ça peut être assez... Je sais pas si la désérable est aussi en demande que la vie de château. Mais la désérable appartient à saisonnière. Ah, tu vois, je savais pas. Ça y est, une autre rareté. Mais en fait, c'est ça, ils doivent la sortir... Dans des érables. Printemps venu. On est comme rendu là un peu, c'est le temps des sucres, là. Ils font leur réserve. Ils commencent au moins lentement, là. Ils font leur réserve, puis ils en ont pour l'été, c'est vraiment saisonnier, là. Tu trouves pas... Tu la trouves vraiment pas à l'année. C'est à l'automne prochain, oubliez ça, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, moi, j'ai jamais pu l'acheter à l'automne, même à l'hiver, là. Ça repart au printemps, d'habitude, quand j'en trouve. Moi, je me demande, c'est si une bière, exemple, que t'en ajoutes en grande quantité, est-ce qu'elle s'entrepose bien? C'est ça que je me demande. Ça va dépendre du type de bière. Si c'est une bière refermentée en bouteille, donc sur lit, cette bière-là peut se conserver. Mais une bière qui n'est pas refermentée en bouteille, il y a des maudites bonnes chances qu'après 6 mois, tu aies un gros fond de rage et que ça soit plus buvable. Mais c'est rare qu'on t'offre 6 mois. Regarde sur la bouteille. C'est rare qu'on t'offre 6 mois d'avoir des bouteilles qui traînent comme ça dans le frigo. Oh, là, mais c'est... C'est à surveiller, mesdames et messieurs. On parle de bière, évidemment, vu qu'on est dans une chronique bière et jeu. Est-ce que vous avez un jeu en tête, mesdames et messieurs? Hé, hey, celle-là va être dure. Ah oui, c'est tough, celle-là. Là. Hein? Hey, que c'est tough. N'es-tu pas prêt en plus? Ah, hein? Ben moi non plus, je vous lance la question. Moi non plus, pas. Parce que on parle beaucoup de la bière, mais là, on parle... Pendant qu'on réfléchit, je viens de poster une image aux puissances maximales. Ben oui, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Moi, j'ai l'ordi devant la face, là, mais... Normalement, c'est d'aller sur la page de puissance, descendre un peu. What the fuck? Ah, c'est bon. On se rappelle de l'épisode des Simpsons avec le simulateur de corvée ménagère. Donc, on a ce qui va se passer avec l'Oculus Rift et Facebook. C'est bon. Ça venait de popper sur mon fil Facebook. Je trouvais que c'était très... Ah, c'est bon. Ça. Très d'actualité. Bravo, Monsieur Castegan. Ah, tu vois... Moi, ça répond pas à la question, par exemple. Petite bière comme ça. Ben, je jouerais à Farmville avec l'Oculus Swift. Moi, pour l'expérience de conduire vraiment en ébriété, Grand Theft Auto Online. Parce que ça se boit très bien, encore une fois, tendance à en boire un petit peu trop, pas trop grave. Ouais. Puis vu que l'état d'ébriété dans Grand Theft Auto est pas assez long, à mon goût, on parle de Grand Theft Auto, mesdames et messieurs, là. Je vous encourage pas à conduire en état d'ébriété. On s'entend. Non, moi, je jouerais à Banish. Ah, ouais? Ouais, je vais ressortir Banish encore une fois. Mais tu vois, c'est drôle parce que là, tu parles d'un jeu de stratégie. De gestion. Ouais, gestion, stratégie. Hein. Moi, c'est. T'as de la misère à différencier les deux. Ça ressemble beaucoup. Ouais. Tu l'as-tu d'ailleurs essayé? Non, ça. J'ai même pas eu le temps de jouer à Titanfall sur mon Xbox encore. Le SimCity des Amish. Ouais, c'est ça. Ah, ça, j'avais adoré ça. J'avoue, jeu de gestion, de stratégie, c'est ce genre de jeu, faut pas que j'en boive trop, tu sais, pour garder ma tête, comprendre encore ce que je fais, pour pouvoir gérer ce sens du monde. Command and Conquer. Ouais, mais c'est ça. Là, Moi, je jouerais à ça avec ça, parce que ça, je l'apprécie, mais En même temps, faut pas oublier qu'on a des jeux, des fois, qui peut... on a des jeux tellement... On est tellement dedans qu'on n'y pense pas, tu sais, de prendre une gorgée. Fait que des fois, ça peut être le jeu qui peut nous contrôler dans notre consommation. On dit que ça se boit tellement tout seul, c'est tellement bon qu'on a pas d'en prendre trop. Un petit jeu qui est bien demandant, ça accompagne bien, mais tu sais, ça nous contrôle. On dit, oh, là, je pense que si je veux bien performer, je suis mieux de. Parce qu'on peut, on peut penser à certains jeux qui vont venir contrôler notre transformation, ça se peut. Pourquoi pas? Mais non, c'est bon, Andrew. Oui, bon jeu de Kinect où tu suis de, tu sais, t'es tu bouges, t'as pas le temps de boire. Non, là, moi, t'sais. Non. Non, mais pas sinon, là-dessus. Red Faction aussi, les derniers, ouais. Guerrilla, où tu peux tout détruire et que tu passes plus longtemps à tout démolir à coup de masse que de faire le jeu en lui-même. Là. Ah, pourquoi pas. Ouais. Bon, ben voilà. Toi, Eric, t'as vraiment rien qui vient. Je manque vraiment d'inspiration pour celle-là. C'est drôle. DayZ. Hein? Ah oui, oui, là, j'étais là, DayZ. Parce que quand, à chaque fois qu'on dit DayZ, moi, dans ma tête, ça sonne DayZ, comme une marguerite en anglais. C'est que là, je fais, de quoi tu parles? Un jeu de jardinage, hein, non, c'est DayZ, comme dans Day Zombie. Jour du zombie, voilà. C'est fait. C'est traduit. Mm-hmm. Voilà. Ah, ben, je sais pas, j'ai pas joué, je n'ai pas encore essayé. Le genre de jeu de survival horreur. Ouais. Bon, pas survival horreur, c'est survival crafting. On en avait parlé, à l'émission d'ailleurs. Ouais, ben, j'ai nommé Rust parce que ça ressemble beaucoup. Ah, ok. Écoutez, ben voilà, donc jeu de gestion, on parle de zombies, on parle également de Grand Theft Auto. Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir à Eric pendant la pause musicale. Faire, j'ai vraiment un gros blanc. On verra peut-être pendant la pause musicale, qui sait. Donc on vous parlait Bear Simulator. Non. Goat Simulator. Ouais. Donc voilà, mesdames et messieurs, on vous parlait de la désérable microbrasserie du Grimoire. Le Grimoire, en fait, et combien de feuilles d'érable sur 10, mesdames et messieurs? Pour cette bière... Ah, moi, c'est un solide 9. Là. Un solide 9 du côté d'Éric. Elle est bonne, mais je suis moins de ce genre de bière-là. Moi, je donnerais un 7. Parce que je suis moins un amateur. Je suis moins un amateur de ce genre de bière-là. Moi, de mon côté, je vais aller avec M. Éric. Un 9, moi aussi. Un solide 9, parce que j'aime beaucoup. Mais j'enlève ce genre rien. De c'est vraiment sur mon opinion personnelle. Ouais. Je suis moins compatible avec ce genre de bière-là. Donc, un 9, 2 9 et un 7, mesdames et messieurs, pour la désérable de la microbrasserie Le Grimoire. On vous envoie de la musique, mesdames et messieurs. On va revenir après ça en nouvelles et on va finir après ça avec la punk rock du Trou du Diable. Et pour la musique, on vous envoie dans vos oreilles. Et là, préparez-vous à danser... Partez un mosh pit chez vous, vous allez voir. C'est un groupe que vous allez d'ailleurs pouvoir entendre au Heavy Montreal de cet été. Le groupe Mass Hysteria et la chanson Furia. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. dans le cerveau, dans le cerveau. On veut la peur, on met le feu dans le cerveau, dans le cerveau, dans le cerveau. On veut la peur, on met le feu dans le cerveau. Jaune-jaune aussi, écoute, puissance maximale. De retour à puissance maximale après Massisteria et Fourria, une excellente chanson sur laquelle je dansais jadis lors de mon cégep. De façon virile. De façon virile, dans les mosh pits au Café Saint-Louis à la Pocatière à l'époque. Et on vous rappelle que Massisteria sera au Evie Montreal cet été à Montréal. Et là, mesdames et messieurs, il est temps de parler de nouvelles ludiques avec Monsieur Castegan. Ben oui, ben on faisait des jokes là-dessus, mais il y a réellement un Bear Simulator eh oui. qui s'en vient. Imaginez-vous donc, après Goat Simulator, le simulateur où vous jouez une chèvre avec une langue qui colle et vous pouvez courir après des gens avec une hache et un moteur physique rempli de glitch que vous pouvez acheter le jeu pour 10$, soit dit en passant, sur leur page. Et même l'auteur dit, si vous dépensez pas 10$ pour ça... Acheter un hula hoop, c'est plus le fun. Non, c'est ça. C'est pas mal ça qu'ils disent. Mais il y a une autre gang qui s'est dit, nous autres, on va faire quelque chose de semblable, mais ça va être un bear simulator. Donc, un simulateur d'ours. Et ils se sont partis une campagne Kickstarter. Michael, si tu peux partager ça sur la page Facebook, ça serait ouais. très apprécié. Pas sûr, j'ai envie de partager ça. En fait, ils ont mis un objectif de 29 500$ et, je peux pas croire qu'ils l'ont déjà atteint. Il reste 21 jours à la campagne. Ils ont récolté 48 150$. Le monde est vraiment crétin. Oh oui. Sans farce, là. Oui, et dans le fond, il disait il y a une tangente dans les jeux dernièrement, et là ils prennent des jeux comme BioShock, vous jouez quoi? Un humain. The Last of Us, ben vous jouez un humain. Dans Grand Theft Auto 5, vous jouez trois humains. Dans Pokémon, vous jouez des enfants qui se battent en utilisant des animaux. Et dans Mario, ben vous jouez des plombiers, une princesse et un toad. Donc ils disent que c'est trop. Il y a pas de jeu, il y a pas assez de jeux qui a des ours. Très clairement, ils ont pas pris de Skyrim. Parce qu'il y a des ours, il y en a en chier. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon. Fait que, tout ça pour dire qu'ils ont atteint quand même pas mal, puis ils ont, comme tout projet Kickstarter, une charte de dépendamment de qu'est-ce qu'ils atteignent, qu'est-ce qu'ils donnent. Et, ben, le premier, c'est s'ils atteignaient 29 750$, ben, ils adoptaient un ours polaire en donnant de l'argent, en donnant 250$ à l'organisation WWF. Dans oui. le fond, ceux-là, là, qui ont le petit panda. La protection des World Wildlife Foundation. Ben voilà. Exactement. S'il atteignait 30 000, ben il s'achetait un manteau d'ours. Ah, je suis découragé. Parce que qu'il y a tellement de bons projets sur Kickstarter qui montent pas. Puis le monde est vraiment crétin. Puis ça, ben parce que tout le monde le sait, quand tu fais un simulateur d'ours, ben ça prend un manteau d'ours. Et à 32 500$, ben on pourrait acheter du matériel pour faire un jeu de meilleure qualité. Fait que ça a été atteint. À 35 000, ils disaient qu'ils allaient faire des références à Lost. Et finalement, ils ont fait « Ouais, on va laisser faire des références à Lost. » C'est inutile. Donc, à 37 500$, ben, ils ont engagé quelqu'un pour se promener dans les parkings de centres d'achat en habit d'ours pour faire un trailer promotionnel de Bear Simulation. Après ça, à 40 000, ben, ils allaient faire un documentaire sur Bear Simulation. Puis là, ils sont rendus au goal du 45 000 qui est d'engager un programmeur à contrat pour développer la version macOS. Donc, il y en a d'autres, mais moi, je me dis, je veux voir le 1 million où, dans le fond, le créateur du projet va devenir un avec les ours. Donc, qu'est-ce qu'il y a de voir un créateur savoir se faire mauler par des ours, ça va être de toute beauté. Fait, voilà. Parce qu'il dit qu'il va... Des images qui me viennent en tête, mais je vais faire ma gueule. Non, mais tu sais, le pire de ça, c'est qu'il dit qu'il va aller dans une réserve naturelle, vivre parmi les ours dans l'objectif de gagner leur confiance et leur amitié. Oui, bien sûr. Fait, voilà. Quoi, il va y nourrir de bleuets à la main. Et tout ça pour dire qu'il vante les features, une fantastique caméra à la première personne, un système de combat de mêlée, un environnement où vous allez avoir beaucoup de choses à faire et à découvrir. J'ai déjà vu Mike avec un air dubitatoire, mais à 60 bois des records. Moi, je parle plus du reste de l'émission, là. C'est trop. Et une variété de d'environnement où vous pouvez vivre en temps course et un nombre on passe ben trop de temps sur cette nouvelle là c'est un nombre catastrophique de secrets. Il va y avoir 30% du jeu qui aura des sources secrètes. Ah oui, il change de nouvelle, je te carré. Ben, la dernière chose que je voulais dire, il va y avoir des chefs de montagne, mesdames et messieurs, dans ce jeu là il y a un point bref. Oh, hey, t'sais, regarde, ça va faire 3 ans qu'on est sur ce show-là, plus le temps qu'on était chroniqueur à l'époque. J'ai jamais vu une nouvelle aussi niaiseuse que ça, je pense. Ben, Goat Simulator était quelque chose. Oui, j'ai assez hâte d'essayer ça, par exemple. T'es-tu malade? Ah oui, j'ai vraiment hâte d'atteindre le niveau d'expérience suffisamment élevé pour monter dans un container à vidange. Ou dans les arbres, chercher les fameux paniers de pique-nique. Ah oui, oui, oui. Hey, je sais pas si c'est un level, tu peux te ramasser un fedora puis une cravate, puis t'appeler Yogi. On le sait pas, hein. On sait pas. Name your bear, Yogi. Ah, ça serait malade. Mais moi, j'ai hâte de voir le crossplay, genre, entre Goat Simulator et Bear Simulator. Bon, ça, ça, fait. Bon, c'est correct, là. Bon. C'est, on passe, ça, là. On passe à autre chose, s'il vous plaît. Hein? Ben sinon, Goat Simulator. Non, tu me sors une vraie nouvelle, sinon... Ok, d'abord. Sinon, je t'afflamme. Tout ça pour dire... Eric, hein? Je sais que t'as c'est pas moi, eu ça? Beaucoup l'occasion de jouer à Titanfall, mais non, si je te dis que EA est partant pour faire un Titanfall 2, c'est quoi ton feeling là-dessus? Ben, qu'il n'y a pas un peu de bonheur d'assiner ça. Ben, le jeu, il a très bien marché. Non, je dis pas le contraire. J'ai manqué de voix sur cette phrase-là. Il y a mieux. Alors, bonsoir, ici Andrew Castegan. Bonsoir, bienvenue aux nouvelles de TVA. C'est ça, hein, c'est pas pire. Ici Pierre Bruno. Ici Pierre Bruno pour les nouvelles TVA. Non, tu parles pas assez du nez. Mais, ça a tant marché que ça pour Titanfall 2. J'avoue que... Il y a eu des très bonnes critiques, ça a parti un petit râteau lancement, mais sinon c'est à fond la caisse, déjà beaucoup de vidéos de let's play, puis ça fait quoi c'est, ça a sorti la semaine passée, il y a 2 semaines. Le 22? Ouais, je pense que oui. Bon, 3 semaines. Ben déjà, ça fait pas longtemps, puis ça... Ben, ça fait 3 semaines, on est le 26. Fin mois. Ah ben, quel tort, t'as bien raison. Fin mois, j'ai eu le temps de jouer 12 minutes. Ah, t'as loadé le jeu, puis... À peu près. Ah, mais déjà, il annonce ça pour quand, là? Pas cette année, toujours? Non, il n'y a pas de date. C'est juste que EA sont déjà en pourparlers avec... pour répondre à ta question, il est sorti le 11 mars. Le 11? Ah, bon, ben voilà, ça fait pas si longtemps. Je savais. 22 divisé par 2. Hein, on n'est pas... Hein, mais dans pas le fond, c'est juste que EA ont déjà confirmé, dans le fond, qu'ils étaient en pourparlers avec Respawn Entertainment pour un possible second... volé à la série de Titanfall. Ah ben, tant mieux pour eux autres. Et en plus, si ça marche, moi j'ai hâte de l'essayer. J'ai pas eu l'occasion non plus. Ça me travaille. Je regarde des vidéos de Let's Play sur Internet. Je suis ça a bien l'air le fun. Il faut que je me l'achète sur PC. C'est ça que M. Castellan. Ben oui, j'ai essayé la bêta. Tant que ta connexion, je sais pas. Non, j'ai une bonne connexion chez nous. Ouais, un PC, ça marche toujours bien. Il y a juste Xbox One, là. Ben, va donc chier. Ah ah! Et voilà. C'est l'heure de la chronique bière! C'est l'heure de la chronique bière! Bon, dans tout ça, c'est quoi ton jeu pour ton autre bière? Non, c'est ça, je l'ai pas trouvé. Pas un tout. Tu la découvriras en même temps, tu joueras à Titanfall. T'es bien trop distrait. Tu me diras ça. Voilà, est-ce que t'as une dernière nouvelle, M. Castan, avant qu'on parte? Non, c'est pas mal tout. Bon, ben on va partir en pause musicale et après ça, on revient pour la fin de l'émission avec le dernier volet de la chronique bière présenté par le dépanneur tout près. Et là, on s'en va avec, justement... Eric m'en parlait, il disait Massisteria, ça me fait penser un peu Lofofora à l'époque. On s'en va écouter justement du Lofofora avec Belle la vie tirée de l'album Mémoire de singe. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Derrière les verres fumés des longues limousines, elle imagine des nababs que la lignée destine aux champagnes et parfois des stars en blue jean. Mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson, et oui, de Lofofora, Belle la vie. Et maintenant, on va finir justement en beauté cette émission de Puissance Maximale avec notre troisième bière pour la chronique d'Éric présentée par les dépanneurs, le dépanneur tout près, 87 rue Wolfe à Lévis, Monsieur la Jeunesse. Là, on va dans quelque chose de assez particulier. Monsieur Michaud. Aïe, aïe. Ouais, on y a goûté pendant la pause musicale. J'ai même pas goûté. Moi, j'étais trop occupé à donner des caractéristiques importantes d'un jeu important. Vas-y tout de suite. Hein? Ouais, boué, là. Comme ça, nous autres, on va pas parler. Quelle gorgée pour. Ouais, quand même, hein. Ça goûte le jambon. Ben, c'est ça. Donc, on vous parle, mesdames et messieurs, de la bière, la Punk Rock de la microbrasserie Le Trou du Diable, qu'on affectionne particulièrement. Ouais. Donc, on parle d'une lagueur fumée. Et quand on dit fumée, mesdames et messieurs... Ça goûte le jambon. Pas rien qu'un petit peu. Ben, écoute, c'est pas... Ça envahit pas, mais c'est assez prononcé. Il y a une description qui venait avec ça. je vais la lire telle quelle, là, c'est tellement beau. Cette lagueur fumée au reflet acajou, hébergée par un bref séjour de 2 mois en barrique de Bourbon, propose au nez des parfums de houblon terreux sur fond de bois et de jambon fumé. Eh ben, Colin! Oh! Hey, j'ai même pas lu la feuille, en et plus. Voilà. Merveilleux. La bouche légère et croustillante, je suis pas d'accord, offre une courte sensation de malt sucré, effectivement, rapidement combattue par une fumée résineuse qui ravive à l'esprit l'allégresse des feux de camp de notre enfance. Ouais, ça, j'avoue qu'il y a ce fumet-là, on va le dire, qui nous arrive dans le pif, justement. Pas mal d'accord avec la description. On parle, comme tu disais, léger, croustillant. Je trouve ça lourd. Ben, c'est honnêtement, je trouve ça lourd. C'est sûr qu'on le laisse. Moi, je vais les laisser tiédir un petit peu, là, parce que je me disais que ça aurait plus de goût comme ça. Oui, là. Oui, il faut y goûter. Mais c'est. C'est encore une fois, ça, c'est... Buvez pas ça au soleil. Non, sans farce, buvez pas ça tablette, mesdames et messieurs. On nous... je sais pas s'il y a une recommandation pour la... Non, ils disent pas à quelle température, peut-être sur la bouteille, laquelle... sur la bouteille. Température à laquelle la servir, mais non, sans farce, pas trop chaud. Le fumé est là, mais des fois, tu sais, il y a des goûts, des fois, qui restent en bouche longtemps, même après les autres gorgées. Au moins, ça s'efface. Mais c'est quand même assez présent. Moi, je le dis tout de suite, puis c'est quelle grosseur comme bouteille? C'est pas une... 660 millilitres. Je bois pas ça tout ça. 30 cents de consigne en passant. Ouais. Si tu le dis. Pour les amateurs de consigne. Mais moi, je l'haïs pas. Mais non, je vais pas dire que je l'haïs non plus. Mais c'est, même, pas... c'est très bon, là, mais... Mais je bois pas ça tout seul, une grosseur de... Non, oublie ça, non. C'est une bonne bière de dégustation. On y goûte, on la savoure. Ouais. Mais... Sans faire, c'est particulier. C'est... Tu sais, quelqu'un qui dit... quelqu'un qui va dire... moi, je suis un homme, je suis capable d'en prendre la forte, puis ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pas de problème, le grain prend ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est 6,2. C'est pas si mal au niveau du degré d'alcool, mais c'est au goût, là, qu'on... Mais non, au goût, puis l'arrière-goût, puis tout ce qui vient avec, là. Mais tu sais, elle s'appelle la punk rock. C'est une bière sale, là. C'est ça, là. Oh, oui, exact. Ça goûte le party pas propre, là. Exact. Tu sais, c'est une belle brune, là. C'est quand même une belle couleur, là. Mais tu vois, ce qui m'étonne, on nous parle de séjour. Dans les barriques de Bourbon, moi, toutes les boissons qui vieillissent en baril, quand on parle de fort, des fois, tu sais, justement, les scotch, ces choses-là, moi, c'est impossible. Je suis pas capable de boire ça. Au niveau de cette bière-là, je le sens pas beaucoup. En fait, je le sens pas du tout. Non, moi non plus. Fait que ça, moi, je le détecte tout de suite, habituellement, puis sans farce, il n'y a pas un arôme ou un arrière-goût qui est resté à cause de ce séjour en barrique. Donc, déjà, là, pour moi, c'est un bon point. Mais là, ça devient. Là, on rentre dans quelque chose de compliqué, là. Ça, oui. On parle de jeu, là, encore une fois, là. Ça, pas pantoute. C'est tellement tough, je trouve, qu'un gros schmop, ça fait un job au bout, là. Schmop? Ouais. Je me rappelle, c'est quoi? C'est un shoot-em-up. OK. Espèce d'ignore. OK, voilà. C'est de la façon de le prononcer. Et, d'autant plus, n'importe quel, les bons schmop de cave. Qui sont reconnus pour être à peu près les schmops les plus durs qu'il y a pas, qui n'ont jamais été conçus. Que j'avoue que ça nous tient. De bon sens, hein? J'avoue que ça nous tient tellement occupés, ce genre de jeu-là, qu'on prend une gorgée rapide, puis tu sais, on ne peut pas ça rapide. Si on fait un parallèle avec la bière, ça fesse tellement fort là, que tu sais, c'est. Putain, barouette, là, tu sais. Moi, je suis un peu déstabilisé, là, je me demande un peu ce qui m'arrive encore. Là. OK, ben, à ce point-là. Oh oui, c'est vraiment... C'est rock'n'roll, mais non, c'est punk. C'est punk. Oh, non, oui, ben, c'est moi, je vais dire la chose suivante. Prendre une gorgée de cette bière-là me donne la même sensation quand je me fais one-shotter par un boss dans Demon's Soul. Ah, tu vois, ça pourrait être aussi bon. Des Demon's Soul et Dark Soul, là, t'es de genre... Tu sais pas trop ce qui vient de t'arriver, là. Tu fais comme... Hein? Ouais, j'avoue. Bernard, c'est ça, là. Puis là, t'es devant cet effet-là, là, dans ton jeu, là, tu prends une gorgée de ça, c'est... Ah, tu vois, je viens d'avoir un flash là, dans le salle, là, un jeu de UFC. Tu sais, ça va vite, faut être vite sur le piton, mais c'est pas du combat propre de boxe, là, ça y va au toss, là. Mm-hmm. C'est bon, moi, je jouerais un jeu de UFC, là, avec cette bière-là, là. Je me sentirais dedans, là. OK. Puis, ouais. Non, tu sais, moi, j'en démarre pas. Ça met vraiment un bon show des morts, ouais, là. À aussi. La cave, là, t'arrives au boss, là. Puis tout ce qu'il fait, c'est grossir, puis il se met à te lancer, l'écran vient blanc, ce petit projectile. Là. Ouais. C'est vrai. Ouais. Puis ça, sans compter le boss qui est genre 20 fois plus gros que toi. Puis là, tu es à veille de le battre et il marche sur toi. T'es plein de vie et t'es mort. Exact. Là, c'est comme. Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer là, là? Encore une fois, nos égos de joueurs. J'ai pas Dark Souls 2, hein. Devinez pourquoi. Ah, mais ouais, on va peut-être en parler dans pas long. J'ai un expert qui s'est proposé de venir en parler. C'est un jour, peut-être. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, on vient de vous parler de la punk rock. C'est un brassin spécial, d'ailleurs, on tient à le mentionner, de la microbrasserie Le Trou du Diable. On vous rappelle qu'ils sont à Shawinigan. On les aime beaucoup, beaucoup, mais ils viennent de nous faire vraiment une grosse surprise avec cette bière-là. Je l'apprécie quand même. Oui, oui, puis tu sais, si on se souvient de la sang d'encre, qui est une épique stout, tu sais, ça avec, c'était un méchant coup sur la gueule. Oui. C'est la saison du tracteur aussi, qui est... pas rien qu'un peu, là. Ouais, c'est des belles surprises, le Trou du Diable, tout le temps. C'est une belle, comme on disait, là, pas trop chaude, mais tu sais, justement, là. Pas des bières d'ado qui font, là. Cette bière-là, une petite soirée d'été, là, autour du feu, là. Ouais, quand la fraîche tombe. C'est là. Ça. Ouais, un feu à fin août, là, quand t'as besoin un peu d'une couverte. On tient de t'approcher les chaises. Justement, avec les fameuses saucisses de le feu, là, du soir, là. Ouais. Ça se mangerait tout ça. Allez, mesdames et messieurs. Messieurs, en tout cas, dans notre cas ici. Combien de jambon? Sur 10? Eh, tabarouette. Oh, c'est difficile à dire. Je peux-tu changer la donne pour un lapin charismatique? Non, vu que ça n'a pas rapport. OK. Je pensais pouvoir m'en tirer. Non. Donc, messieurs, votre note? Moi, je vais y aller. J'y donnerais un 7, personnellement. J'haïs pas, mais j'en achèterai pas des caisses. Non, mais tu vois, j'allais dire un 7 aussi, mais à chaque gorgée, j'ai envie d'y retourner, par exemple. Fait que je monterais peut-être ça à 8. Je vais réviser à 7,5 dans mon cas. Ouais, moi. Ouais, ouais. Tu te réserves une demi? Ouais, quand même. Je veux me laisser du jeu, comme on dit. Une demi-fesse de jambon. Ouais. Donc, un 8, 7,5 de mon côté. Mmh. Du côté de M. Castegan. Moi, je vais y aller avec un 7. Parce que pour l'instant, à la température qu'elle est, c'est à peu près à ça que je me situe. Je serais curieux d'y goûter plus froide, par exemple. Mais plus froide, elle va avoir moins de goût. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être que... Non, mais t'es pas énormément plus froide, juste un petit 2 degrés. Parce que là, on doit être, d'après moi, on doit être à 8 à peu près. On sent ça vite, vite, comme ça. Là. Parce que t'as bois là, du caractère, mais il me semble que t'es juste un petit peu plus froide pour dire que t'aurais une petite fraîche dedans, un peu, là. Je sais que c'est une bière qui est supposée être sale comme le punk puis tout ça, là, mais il me semble que... Non, il y a quand même une fraîcheur qui... Du jambon, quand tu manges du jambon, ça goûte le jambon, mais c'est frais. Il y a une certaine fraîcheur quand même, il faut le dire. Là. Donc, d'accord, un 7,5 de mon côté, un 8 pour Monsieur la Jeunesse, pour la bière, on l'appelle la punk rock de la microbrasserie Le Trou du Diable. Mais merci beaucoup, monsieur la jeunesse, d'être passé. 3 bières, grosse émission côté éthylique ce mois-ci. Merci beaucoup d'être passé. Ben, ça fait plaisir, comme à chaque fois. On vous rappelle que cette chronique-là, et là, je la partage encore une fois sur le mur de Puissance Maximale sur Facebook, est une présentation du dépanneur tout près à Lévis. Je rappelle encore une fois l'adresse, le 97 rue Wolfe à Lévis. Puis vous pouvez aller les voir là jusqu'à 11h ce soir. Si vous avez une envie de goûter une des bières qu'on a essayé ce soir, ben allez les voir. Mentionnez-leur la bière, ils vont pouvoir vous trouver ça dans leur rayonnement. En même temps, vous pouvez dire que vous l'avez entendu à Puissance Maximale, ben oui, suggéré voilà. Par Éric la Jeunesse. C'est ça. Ouais. Il pourrait féliciter. J'essaie de trouver le nom de la dame que tu as vue tantôt. Marie, c'est ça. Vous pouvez féliciter Marie pour son choix, ses conseils qu'elle nous a fait. Merci beaucoup aux gens de Dépanneur tout près. Et merci, monsieur la Jeunesse, d'être passé. Merci beaucoup, monsieur Castegan, d'avoir été là. C'est mon cue. Eh oui! Merci d'avoir été là, monsieur Castegan, et plus jamais de nouvelles sur les Bear Simulator. Ah, mais ça coûte, tu sais, avec l'univers du Kickstarter. On a eu le Goat, on a eu le Bear. C'est quoi le prochain? Les paris sont ouverts. On verra. Faites bien. Vos déductions sur Facebook. Puis on verra le mois prochain, on pourra prendre quelques minutes peut-être pour regarder mon flasque. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. En forme de cassette de NES. Qui s'en vient le mois prochain. Et mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu avec toute l'équipe. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions podcast, et autres entrevues. Rendez-vous sur Facebook, Puissance Maximale sur Facebook. Vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Restez à l'écoute pour de l'excellente musique à CJMD-FM, la station FM à Lévis. Et, comme à chaque semaine... On a oublié quelque chose. Vas-y donc.